Cette cité est gangrénée par le crime et les luttes de pouvoir. Alors que la pègre et les hommes politiques véreux ne cessent d'étendre leur pouvoir, certains essayent de faire leur place et d'améliorer leur quotidien dans une ville où la cruauté et la violence règnent en maître. Ce n'est pas chose aisée, et nombreux sont ceux qui finissent trois pieds sous terre ou en prison pour les plus chanceux. Sans oublier, bien sûr, la bête, l'ombre de Gotham, qui fait trembler même les plus puissants. Mythe ou réalité, nul ne le sait. Serez-vous assez fou pour y entrer ? Bienvenue à Gotham. Ah, Gotham City, la mégalopole où les avancées de demain rencontrent l'architecture gothique d'hier. La plus grande ville, autant en termes de surface, de population et de poids économique, des États-Unis d'Amérique. Il fut même un temps où le gouvernement pensa à élire domicile sur place. Ils ne l'ont pas fait, bien entendu. Pourquoi ? Chacun a son petit nom pour ça. La criminalité, les tarés, voire même les fantômes. Personnellement, je préfère appeler ça le mal. Une véritable malédiction qui frappe la ville et ses environs depuis que Mordecai Wayne et ses colons sont venus voler les terres de la tribu Miagani. Cette populace de primitifs qui vivaient dans des grottes et vénéraient les chauves-souris qu'ils y côtoyaient. En parlant de créatures volantes d'ailleurs. Oh oui, vous voyez parfaitement de quoi je veux parler. L'ombre, la bête, la monstruosité qui erre dans les ruelles une fois la nuit venue. Bien entendu, personne n'a de preuves, mis à part peut-être les 3 ou 4 gars sur internet qui partagent des photos potentiellement truquées. Et pour être honnête, cela n'est qu'une petite curiosité pour la plupart des habitants dociles de Gotham City. Une histoire à raconter aux enfants pour qu'ils soient sages. Si par contre vous avez l'habitude de ne pas être sage, alors là il va falloir s'inquiéter, car il viendra pour vous à un moment ou à un autre. Mais revenons à nos malfrats. Vous venez de différents horizons. Certains connaissent la ville, d'autres sont nouveaux dans le coin. Certains sont des habitués du crime, d'autres font leur premier pas. Et vous avez tous un point en commun. Vous avez tous un pote, un collègue ou même un membre de votre famille qui vous a aiguillé vers cette grande opportunité. Il y a beaucoup d'argent à se faire. Les organisateurs ont l'air de savoir ce qu'ils font. Bref, un super coup. Vous avez vos indications et comme on vous l'a dit, vous attendez tous à votre point de rencontre avec l'équipement qu'on vous a fourni. D'un moment à l'autre, un véhicule viendra vous prendre. Respirez, préparez-vous, il n'est plus question de revenir en arrière. Donc, comme je vous l'ai dit, vous êtes tous à un point de rencontre, qui est donc pas tous au même endroit, bien sûr, vous êtes tous séparés. On vous a tous fourni un certain équipement qui est constitué d'une espèce de tenue, une sorte de... Ça, disons que ça rappelle un peu une tenue, disons, dans un style un peu punk avec un blouson en cuir, ce genre de choses. Ainsi qu'une sorte d'étrange casque rouge. Un peu comme du verre, mais du verre renforcé. Est-ce que vous avez mis cet équipement ou est-ce que vous l'avez juste gardé avec vous en attendant ? Pour l'instant, il est dans mon sac. On nous a dit de le mettre ? Genre c'est obligatoire ou c'est au choix ? On vous a dit d'être là avec l'équipement, après si c'est sur vous ou dans votre sac ou un truc comme ça. Je pense que j'ai mis la veste en cuir, ouais. C'est une veste en cuir, un pantalon. Ouais. C'est ça, une veste en cuir, un pantalon, ainsi qu'une sorte de casque en verre renforcé rouge. Ouais, dans ce cas j'ai juste mis la veste en cuir, le reste est dans mon sac aussi. D'accord. Moi j'ai pris la tenue, j'ai pas regardé mon suite. Allez, on va faire ça dans l'ordre de Discord, comme ça je saurai qui fait quoi. 22. Voilà donc. Ok. Donc moi j'ai pris la tenue sans problème, mais. Et du coup j'ai gardé mon sac. Tu coupes ? Ah merde. Je répète du coup. Oui. En gros, j'ai pris la tenue, mais j'ai Tu coupes toujours. Et j'ai gardé mon temps. Tu coupes. T'es mort. Bah j'aurais pas été, non. Vous m'avez pas entendu? Non, tu coupes encore. Oh merde, putain. C'est pas sérieux, ça. Bon, 22, t'es toujours là? Oui, mais... Dès qu'il commence à parler, c'est... Ouais, non, quitte la wifi, hein, branche-le ton micro. Non, mais il est... Ouais, non, tu coupes, désolé. Branche-la, c'est ça le problème. Non, mais on comprend rien ce que tu dis. Dis à Cthulhu de rentrer chez lui, il te gêne. Très bien. Jess, donc, avec l'équipement, qu'est-ce que tu en as fait? Moi, j'ai gardé le... Du coup, j'ai mis le suite, et vu qu'a priori, on nous a pas dit de l'avoir au moment où on y serait, le reste, je l'ai mis dans mon sac pour l'instant. D'accord, très bien. Je vais changer sur place. Voilà, quoi. Ok. Patrick? Moi, je suis en chemise et j'ai tout merdier dans mon sac. D'accord. Paul-Edouard? Moi, comme les deux premiers, j'ai mis la veste et le reste est dans mon baluchon. Très bien. William? Moi, j'ai rien mis sur moi, j'ai tout pris dans le sac. D'accord, très bien. Donc, vous êtes sur votre point de rendez-vous, chacun. Il y a plusieurs endroits de la ville qui sont, disons, sans réel intérêt. C'est au croisement d'une rue, ce genre de choses, ou alors dans une ruelle, ou ce genre de choses. Vous avez... et vous savez donc qu'un véhicule est censé venir vous chercher. Je vais profiter de l'attente, en attendant que le véhicule arrive, pour vous décrire... exactement ce qu'on vous a donné en plus de la tenue. On vous a aussi donné, si vous êtes le genre de personne qui n'avait pas déjà d'armes, on vous a donné un espèce de petit pistolet classique, le genre de... Je me risquerai pas à donner un modèle parce que j'y connais pas grand chose, mais vous voyez ce que je veux dire. Ouais, le genre de 9 mm classique, quoi. C'est ça. Ainsi que une bombe à peinture qui était équipée sur déjà sur la ceinture qui était avec la tenue. Okay. Et ainsi que une petite oreillette. D'accord. On est d'accord, vous m'avez suivi? Très bien. Ok. Donc vous attendez, et c'est toi, 22 d'abord, qui sur ton point de rendez-vous, qui est juste à l'entrée d'un parc, qui voit le véhicule arriver. On t'a déjà mis au courant plus de à quoi ressemblait le véhicule. C'est une petite camionnette blanche qui est censée s'arrêter devant, et ce sera à toi de monter. Et c'est justement ce que fait cette camionnette blanche qui s'arrête juste devant toi et qui ne bouge plus. Ok. Bah, je regarde déjà si quelqu'un ouvre la porte ou quoi. D'accord. Donc, tu regardes et a priori, il y a rien du tout qui bouge. Mais tu vois juste qu'il y a quelqu'un à l'avant qui te regarde. Un homme, a priori, qui a l'air plutôt en bon point. Ok, bah je... Tu t'approches, c'est ça? Ouais. Ok, très bien. Donc tu t'approches de la portière, c'est ça? C'est ça. Très bien. Donc t'as le type qui baisse la vitre. Et qui te dit... vous êtes là pour une raison particulière? Pour le job. Très bien, montez à l'arrière. Ok. Je vais. Ok, donc tu as coupé à l'arrière et je monte. D'accord. Ok, donc j'ai bien compris ce que tu voulais. Donc tu montes, en ouvrant, tu vois qu'il y a déjà deux personnes qui sont dans la tenue qu'on vous a donnée. Ils sont intégralement habillés. Il y en a un qui te fait un signe de la tête pour te dire salut, mais... Ouais, mais non, mais je fais pareil, je parle pas non plus. Très bien, d'accord. D'accord. Est-ce que tu... Enfin, la camionnette commence, recommence à démarrer et repart. Est-ce que tu profites du voyage pour te mettre le reste de la tenue ou pas? Ouais, je... D'accord, très bien. Donc, c'est ensuite à toi, Jess, qui est donc toi aussi un point de rendez-vous, juste à l'entrée d'une ruelle. Le véhicule, toujours cette camionnette blanche, s'arrête devant avec l'homme en bon point à l'avant, qui regarde dans ta direction. Ok. Je m'approche. D'accord, très bien. Donc, même chose. La vitre est baissée. Mm-hmm. Enfin, se baisse et l'homme te dit « Vous êtes là pour une raison particulière ?» Vous avez reconnu ma veste, non ? Très bien, montez. Je monte. Oui, bon. Enfin, bien entendu. Donc, tu montes, tu vois que donc il y a trois personnes en tenue, là aussi, mm-hmm. qui t'attendent. Peut-être qu'il y en a certains qui te font... un petit signe de tête pour dire bonjour, un truc comme ça. Okay, une petite salutation. Je réponds de la même manière. Ouais, ressemble à quoi exactement les gens qui sont là? Ou on va peut-être attendre là bah, les gens... Salut. Je salue. Très bien. Les gens qui sont à l'intérieur, je veux dire... ils sont tous déjà dans avec la tenue qui a été donnée, donc ils ont déjà leur espèce de casque en vert rouge ouais. qui recouvre l'intégralité de leur visage. D'accord. Très bien. Patrick, mmh. toi donc sur ton point de rendez-vous, qui est toi aussi à l'entrée d'une ruelle, un peu plus loin. Mmh. Le véhicule s'arrête. Je te répondrai après 22, je continue juste la narration. Donc le véhicule s'arrête aussi en face de toi, avec l'homme qui t'observe. Bien, j'approche. Très bien. Vous êtes là pour une raison particulière ? Ouais, j'ai même apporté les croissants. Très bien, montez. Allez, bonne journée. Je monte. Très bien, parfait. Donc tu montes, tu vois aussi... cette fois-ci, donc, il y a 4 personnes en tenue qui sont à l'intérieur. Certains te font peut-être un salut. Qu'est-ce que tu as dit ? J'ai pas très bien entendu, désolé. Propose des croissants. D'accord. Très bien. Parfait. Donc, y en a un, en tout cas, qui accepte. Les autres n'ont pas l'air d'être très emballés. Donc, le véhicule se remet en marche et s'approche donc du point de rendez-vous de Paul-Édouard, qui est juste à l'entrée de Chinatown, le quartier chinois de la ville. Donc Paul, toi tu es juste, tu es là sur ton point de rendez-vous, juste à l'entrée, quand le véhicule s'arrête devant, toujours ce même homme, qui, toujours la même chose, te demande, vous êtes là pour une raison particulière ? Oui, pour monter avec vous. Très bien, à l'arrière. Bah, je monte. Très bien, donc tu montes, et cette fois aussi tu vois qu'il y a des personnes à l'intérieur avec l'uniforme. Je les salue. Ah, merci. Merci pour le croissant. Très bien. Parfait. Et le véhicule se remet en marche et arrive quelque temps plus tard au point de rendez-vous de William, qui est pas spécialement dans un coin craignos, contrairement à la plupart d'entre vous. Qui est juste, enfin, c'est pas non plus le coin des riches, hein, mais c'est le coin, disons qu'on a moins de chances de se faire fusiller en jetant un mauvais regard, quoi. Ah, c'est pas là où j'habite, quoi. Ouais. Donc le véhicule s'arrête devant toi, William, avec cet homme qui te demande, vous êtes là pour une raison particulière ? Ouais, et quand je dis ouais, je lui montre la bombe à peinture qui dépasse du sac. Très bien, monte à l'arrière. Je monte. Très bien, donc tu montes à l'arrière cette fois. Est-ce que des gens le saluent? Oui, okay. Bon, je salue avec mon croissant dans la bouche. Croissant. Très bien. J'ai déjà terminé. Très bien, parfait. Et donc, pour te répondre, 022, cette fois, tu n'as pas tes chiens. On t'a dit que ça n'allait pas... ça allait risquer d'être une gêne, en tout cas, pour cette opération. Pour ce job. Ok. Donc, attends, tu essayes de dire quelque chose ou pas? Parce que tu coupes un peu, alors j'ai du mal. Il a dit ok. Mais... D'accord, très bien. Donc, vous êtes dans le véhicule qui se remet toujours en marche. A priori, vous êtes parti pour un petit moment tout de même de voyage. À ce que j'ai compris, certains d'entre vous sont toujours en train de manger ou ce genre de truc. Ils n'ont pas mis leur uniforme, c'est ça? Moi, j'ai mis le blouson. Bon, moi, j'ai fini de manger. Et je m'habille vu que je vois les autres déjà en tenue. Donc, j'en profite pour me... préparé. D'accord, très bien. Donc, vous vous préparez en imitant... Je mets le pantalon, du coup, et le casque. Très bien. Donc, vous préparez en imitant les deux personnes qui étaient déjà avant vous tous et qui étaient déjà en uniforme. Et pour inaugurer les dés, je vais vous demander de faire juste un petit jet en culture gothamite. Donc, c'est sur 100. Enfin, c'est avec un dessin. Très bien. 14. Comme il y a beaucoup de monde, je vais vous demander de le noter, enfin de le marquer dans le Discord, comme ça je sais qui fait quoi. J'imagine qu'on doit mettre sur combien est-ce qu'on a. Mais juste le résultat, ça ira très bien. Ok. Bon, je vais quand même mettre sur combien. Hein. Ok. Culture gothamite. Culture gothamite, c'est dans la colonne de droite, tout en bas. Crime organisé, ça compte pas du coup. Non, pas pour celui-là. C'était non, c'était culture gothamite. Donc a priori, il n'y a qu'une seule personne qui l'a réussi, si je remarque bien. Oui, c'est William. Donc William. Pendant que tu mets ton uniforme et que tu vois que tous les gens en uniforme et tout ça, ça te vient en tête, comme ça tu comprends un peu ce qui est en train de se passer. Et tu vois que ces uniformes sont l'air d'être une espèce de petite variante de la tenue d'un gang qui est plutôt connu à Gotham City. C'est le gang du Red Hood. C'est une espèce de... disons, on sait pas trop ce que c'est, mais c'est un gang légende en quelque sorte. C'est pas un véritable gang. On sait, disons que pour expliquer ça de manière simple, c'est en gros une sorte de tenue que différents gangs mettent à plusieurs occasions pour brouiller les pistes vis-à-vis de la police. Ok. Et c'est, disons, une sorte de chose qui est souvent faite les opérations plutôt risquées, ce genre de choses. Ok. Tu peux juste rappeler, le nom, s'il te plaît. Le nom, le gang, c'est le gang du Red Hood. C'est juste Red Hood? Ok. Oui. Ok. Très bien. Donc vous êtes toujours en attente. Et je vais profiter du voyage pour rappeler un peu quelle est l'opération que vous avez, à laquelle vous avez accepté de participer. Cette opération, tout simplement, c'est un braquage. Alors, n'ayez pas peur, c'est pas non plus le braquage de la banque centrale de Gotham City. C'est un braquage d'une petite banque, on va dire. C'est-à-dire la banque qu'il y a dans la rue et où il y a les trois mamies du quartier qui y vont, en quelque sorte. On va voir si on fait des mamies. C'est ça. On va braquer le crédit mutuel. Quoi. C'est ça. Non, donc on vous a tout simplement, on vous a déjà mis au courant qu'il y allait avoir absolument aucun garde. Je veux dire, c'est une petite banque sans rien du tout. A priori, il y aurait pas de difficulté, si ce n'est la surveillance vidéo. Et vous avez aussi eu quelques indications. Vous savez qu'au moment exact où vous commencerez le braquage, il y aura de manière sûre une personne qui sera en train de discuter avec un des banquiers au guichet normalement numéro 2, on vous a dit. Et il faudra que vous vous serviez de lui en tant qu'otage. Vous pouvez en prendre d'autres, mais il faut que vous vous serviez de lui pour, disons, forcer les gens à ouvrir l'arrière-salle. Ok. Voilà, ce sont les indications qu'on vous a données. Alors que je suis pas con, mais c'est bien guichet numéro 2. Hein. Ok. Oui, guichet 2. Ok. Donc, je vais juste vous demander, les uns après les autres, quel est votre ressenti un peu par rapport à ce que vous allez faire et comment vous le sentez. 22. Pas de soucis, comme ça. D'accord, très bien. Bon, y a quelqu'un de tranquille. Toi, Jess? Ouais, pour l'instant. Un petit peu la boule au ventre. Un peu stressé, mais en même temps, cette adrénaline qui est au final plutôt intéressante. C'est, je sais pas, un mélange d'attente, je sais pas trop ce que ça va donner, donc de la curiosité, de l'attente, un peu de stress. Je vois, parfait. Patrick ? Eh bien moi je suis sûr que cette fois je vais enfin réussir. Très bien. C'est vrai que tu as eu quelques problèmes par le passé. Paul ? Bah, disons que je suis un petit peu stressé parce que j'ai plutôt l'habitude en général de faire des trucs avec des gens que je connais. Et là, bah, je connais personne, donc je sais pas trop les réactions, le vrai potentiel de chacun. Donc du coup, j'essaie de jauger déjà du regard un peu les gens, mais je suis un peu stressé quand même. Rien de sexuel. D'accord, très bien. Donc de l'appréhension de ce côté-là. William ? Énormément d'appréhension, une grosse boule au ventre et j'essaie quand même de transparaître le plus calme possible, mais le maximum que je peux. D'accord. Donc si William n'avait pas son casque sur la tête, vous sauriez tous qu'il a peut-être un peu envie de vomir. Okay. Est-ce qu'il y a une odeur forte dans la voiture ? Non. C'était des propos pour illustrer. D'accord. Très bien. Donc, vous sentez que la camionnette vient de s'arrêter. Il y en a certains d'entre vous qui se regardent les uns les autres avec une certaine appréhension, histoire de savoir s'ils doivent bouger ou pas. Moi, j'attends qu'on ouvre les portes pour le feu vert. Je mets mon casque. Très bien. Donc, ceux qui n'ont pas mis encore toute l'intégralité de la tenue, j'imagine que vous la mettez à ce moment-là, comme Patrick. Moi, c'est fait. Très bien. Moi, j'ai déjà, donc. Et c'est donc à ce moment-là que vous sentez frapper, quelque chose frapper contre votre camionnette, dans le sens où est censé être le conducteur. Donc, a priori, c'est un signal. Je sors. On sort. Je me lève. Je sais pas avec quoi vous vous battez, mais moi, dans la sérénité la plus totale, je sors mon canoncier de mon sac d'un air de dire ça, c'est mon arme de base. Et je sors. Moi, je garde ma arme cachée pour l'instant et je sors également. Ok. Donc, vous sortez tous. J'ai qu'un seul point, mais... D'accord. Ok. Donc, vous sortez tous avec l'équipement de votre choix. Et disons, imaginez-vous quand même... Imaginez-vous donc que c'est donc dans cette petite rue un peu tranquille d'un quartier sûrement où il n'y a pas grand-chose qui se passe, avec une camionnette qui s'ouvre et tout un groupe d'individus exactement pareils en tenue de loubar, avec un gros casque en verre rouge, qui sort armé jusqu'aux dents devant la petite banque du quartier. Et qui donc se dirige vers l'entrée, j'imagine. C'est ça. Ouais. Très bien. Est-ce qu'il y en a certains qui se mettent à l'avant, d'autres à l'arrière ? Ou est-ce que vous essayez de rentrer un peu en même temps ? On rentre en même temps. S'il y en a un qui est motivé pour aller devant, je me mets un peu derrière. Si personne prend l'initiative, je pars devant. Moi, je m'en fous. Bah, je me mets derrière vous deux, alors. Légèrement derrière. D'accord, très bien. Donc, vous rentrez. Les deux individus qui vous accompagnent et qui font aussi partie de l'opération, eux, sont à l'arrière. Okay. Donc, vous rentrez les uns après les autres dans l'ordre que vous m'avez donné. Et vous voyez que donc la banque a l'air de... Disons qu'il y a deux guichets. Il y a deux personnes aux deux guichets. Il y a deux clients aux deux guichets. Et mis à part ça, il n'y a absolument personne dans cette banque. Ok, je cache mon point américain, déjà. D'accord, donc tu avais sorti ton point américain et tu dis que finalement c'est le moment de le ranger. Dessus, tu vois. je garde au cas où pour faire la surprise. D'accord, très bien. Donc vous rentrez, et bien entendu, vous doutez bien que votre entrée donne lance un petit froid dans la salle. Il y a des espèces de vitres de protection pour les guichetiers. Non, là, il y en a même pas. C'est vraiment un truc, genre, là où tu t'assis presque juste à un bureau et tu discutes avec le type, quoi. Bah, dans ce cas, parce qu'on est d'accord, de toute façon, on a les casques et tout. Oui. Bah, dans ce cas, enfin, ça sert à rien de rester planqué plus longtemps, de toute façon, c'est clairement ce qu'on fait, là. Et du coup, bah, je me dirige vers le guichet numéro 2 et je commence à le pointer mon arme. En espérant que les autres me suivent. Bah, de toute façon... Ouais, je sors, du coup... Oui. Sur la machette. D'accord, très bien. Donc, de ce que j'ai compris, 22 sort une machette. Oui, c'est ça. L'arme parfaite du braqueur. Si personne ne parle, du coup, moi, je commence à gueuler dans mon casque. Ceci est un braquage. Restez calme. Et ne bougez pas. D'accord, ça les caméras de surveillance. Ok, donc Patrick, tu vas me faire un petit jet d'observation. William... Avec les caméras. Qu'est-ce que tu as dit, Jess? Je veux bien l'aider avec les caméras aussi, étant donné qu'il y a déjà... D'accord, observation aussi. 30. Pendant que toi, William, donc, tu te diriges vers le client du guichet numéro 2, comme le plan le stipule, si j'ai bien compris. Moi, je vais au 1 et je vérifie qu'il fasse rien avec son téléphone ou quoi. D'accord, ok, pas de problème. Donc, William, tu me confirmes ce que je viens de dire ? J'ai eu une moto qui est passée, j'ai pas entendu du coup, je peux répéter juste mon... Donc, si j'ai bien compris, tu te diriges vers le client du guichet numéro 2, comme tu pouvais dans le plan. Ouais. D'accord, tu t'en approches. Tu vois que ça a l'air d'être un gars... Plutôt grand, il doit faire 1m90, 1m95, un truc comme ça. Il est plutôt musclé quand même, il a de la musculature, mais il est en tenue, d'affaires, pour ainsi dire. Cheveux courts, aucun problème, il a un hamburger à la main. Et donc tu le pointes de ton arme, et il est retourné vers toi, comme tout le monde est retourné vers vous dès que vous êtes rentré. Il lève juste ses deux mains avec son hamburger dans une des deux mains. Il dit pas un, il dit pas un mot. Celui du guichet 1, il fait quoi? Bah celui-là du guichet 1, dès que vous êtes rentré, il a levé les mains. C'était le premier à lever les mains sans qu'il y ait besoin que quelqu'un se mette à gueuler, c'est un braquage, okay, un truc comme ça. Il est figé. Y a un téléphone? Ok, c'est bon. Alors moi, comme j'ai pas encore trouvé les caméras, je monte sur le comptoir pour mieux chercher. Et en marchant sur le comptoir, au passage, je pique le hamburger du gars, je le mets dans mon sac pour plus tard. Je sais pas si c'est possible de poser la question, mais c'est bien le... J'ai un putain de doute. C'est bien le client qu'on va prendre en otage, ou c'est le mec derrière le comptoir? Non, c'est le gars du client du guichet 2. Oui, donc c'est client. On est d'accord. C'est celui qui a avec son sandwich. Voilà. Oh, je préfère la tuer. D'accord, très bien. Patrick, tu as fait ton jet d'observation ou pas? J'ai raté. Comme ça, je cherche mieux. Ah. Très bien, d'accord. Si bon, j'ai raté de 8 points, bon, j'aurais quand même une question, du coup. Est-ce que... comment dire? Est-ce que les caméras, du coup, j'en vois pas, ou il y en a qui sont apparentes, mais je les ai peut-être pas toutes vues? Mais est-ce que je vois des caméras, au moins, ou pas? Disons que toi et Patrick, déjà, vous êtes sûr d'avoir vu au moins une caméra qui est juste à côté de l'entrée. D'accord. Qui est sûrement là pour filmer les gens qui rentrent. Oh, ouais. Dans ce cas-là, je vais me diriger vers cette caméra et puis à l'aide de la peinture, bah, je vais peindre par-dessus. J'imagine. D'accord. Que le but est de... C'est bien de la peinture, hein, on est d'accord. Ah oui, tu as fui, ça sort de la peinture sans aucun problème. Ok, bah j'en mets un petit peu sur la caméra pour pouvoir masquer. Très bien, donc tu recouvres la caméra avec cette jolie peinture rouge. C'est le moment. Donc tout le monde est figé. Tu es mis à part vous-même. Quel est votre prochain mouvement? Qu'est-ce que vous faites? Moi, je le chope en otage, du coup, le mec. Genre, tu sais, j'essaie de l'étrangler un peu avec mon... Enfin, pas pour tuer, hein, mais juste pour le neutraliser, en fait, avec mon bras. Moi, je mets juste la lame sur son cou, tu vois. Ah, mais si, il bouge, tu vas pas mettre la lame sur le cou au moment où moi, je le chope, sinon tu vas juste me couper. non, mais moi, je suis au guichet 1. Ah, d'accord. Ça, c'est... Ah non, t'inquiète. À tous le prendre, on va juste se tirer dessus comme des cons. Non, mais voilà, moi je le chope juste comme ça. T'inquiète. Avec le flingue, bien entendu. Parce que... Donc vous avez chacun un otage là, en gros. Ouais, c'est ça. Ok. Faudrait peut-être qu'il y en a un qui prenne l'argent. Bah, déjà, il faut ouvrir le coffre. Bah, normalement, il est censé utiliser le gars du qu'il a en otage au guichet 2 pour passer de l'autre côté et aller chercher l'argent, je trouve. Oui, tout à fait. Donc. Bah moi je continue un peu à gueuler, je suis un peu en mode je braque, enfin je vise tout le monde parce que je sais pas combien il y a d'employés dans le il y a combien de personnes de l'autre côté en fait. Il y en a deux, un à chaque guichet. D'accord, bah du coup j'ai mon arme braquée vers eux. Et il y a combien de clients? Je serais tenté de leur demander de poser les mains visibles sur le comptoir, qu'on voit leurs mains. Non, si elles restent en l'air, c'est bon. Oui, il y a déjà tout le monde qui a les mains en l'air hein, depuis que t'as commencé à gueuler que c'était un braquage. Bon bah d'accord, bah, je reste comme ça et puis je switch d'un gars, enfin d'une personne à l'autre pour tout leur montrer que je les ai quoi. Donc si là tout le monde met les mains sur le comptoir, c'est qu'une personne en tout. Non mais juste il y a deux employés de la banque et deux clients. Dont et les deux clients sont déjà en otage. Ouais. Si les clients ont les mains sur le comptoir, moi je vais les fouiller, savoir s'ils sont armés. Non mais les clients sont en otage. Mais je me dirige au niveau du coffre et je commence à m'adresser à un des employés, celui du guichet 2. Allez, ouvre-moi ça. Tu vois que le type, c'est un genre de petit fragile à lunettes. Il est devenu tout blanc depuis que vous êtes rentré. Il fait... Et il continue dans son baragouina. Vas-y, sinon je le bute en mettant bien l'arme sur le l'otage que j'ai. Tu vois que il tourne... D'accord. Il vous regarde tous les deux, il passe de l'un à l'autre et puis il se lève doucement et il se dirige vers la porte de l'arrière-boutique, on va appeler ça comme ça. D'accord. Et il commence à marcher plus vite. Occupez-vous des caisses. Je m'adresse à mes collègues en disant ça. Mes collègues qui sont pas occupés à prendre quelqu'un en otage. Du coup, ben moi, je suis toujours en braquage sur le deuxième employé. Est-ce que du coup, tu peux y aller, Patrick, pour vider les caisses Ouais, je vais aller vider tout ça. Pas de prénom. Moi, j'attends. Ah bah après, non, je voulais pas le dire. Enfin, je sais même pas comment ils s'appellent les gens, on sait pas parler. Oui, oui. Appelle-moi Monsieur Pink. Non, logiquement, ça on ne serait pas. Le monsieur en rouge, vas-y, lequel? D'accord, très bien. Donc, qui sont les gens qui vont dans l'arrière-boutique et ceux qui restent devant? Non, mais le gars là. Moi, je pense que je vais suivre le mouvement de Jess, seulement pour le garder en otage, pour être sûr de genre, si le mec essaie de nous tromper, comme ça, je continue à faire pression là-dessus. D'accord, très bien. Alors, du coup, on a Jess et William qui sont passés de l'autre côté du guichet. C'est ça. Donc tous les autres sont toujours là en train de faire respecter leur présence. Ben moi je regarde, disons que je braque le gars, mais de temps en temps je jette un petit peu un coup d'œil derrière, si possible de bloquer peut-être la porte pour que personne n'entre pendant qu'on fait quelque chose, histoire qu'on ne soit pas dérangé. Si tu le souhaites, il y a un petit banc à côté qui était censé être sûrement pour les gens qui doivent attendre leur tour. Eh ben je vais placer le banc pour bloquer le... Est-ce qu'il y a un panneau genre ouvert, fermé, quelque chose? Non, il n'y a pas ça, pas. En tout cas, pas sur la porte. Tag fermé sur la devanture. Je bloque la porte pour pas que des gens rentrent en attendant qu'on fasse notre truc. Il faut vérifier s'il n'y a personne qui vient, quoi. Donc tu fais ça plutôt facilement, le banc est léger, aucun problème, tu bouches l'entrée. Pendant ce temps, donc, William, Jess et l'otage, vous arrivez donc à l'arrière, le type est en train d'ouvrir la... Enfin, le guichetier numéro 2 est en train d'ouvrir la porte, et il ouvre entièrement pour vous, dévoilant à vous une espèce de salle de taille moyenne qui est presque entièrement vide, mis à part en plein milieu où il y a des gros tas de billets. Ok, dans ce cas, je vais préparer des tas de billets et les mettre dans mon sac. Enfin, commencer à les mettre dans mon sac. Moi, je vais, si possible, donner un coup de crosse au mec qui vient d'ouvrir pour l'assommer, si possible, ou au moins le sonner, et, histoire d'être sûr qu'il ne fasse pas, enfin, qu'il essaie pas de nous piéger, fermer la porte derrière nous ou un truc du genre. D'accord, très bien. Je veux juste te demander un petit jet de force, mais disons que c'est plus pour la. Je mens. Plus pour la forme, quoi, ça. Attends, force, c'est des 20, attends. Oui, c'est des 20, la force. J'ai envie de dire, ouais, bon, j'ai fait 46 sur, sur 9, bon, alors, mon des 20, hop là. Non, ça passe pas, j'ai fait 13. T'as fait 13, d'accord. Donc, tu lui donnes un coup de crosse, et tu lui... disons que tu lui fais bien mal et il tombe en arrière, tu sais pas trop s'il est assommé ou s'il est en train de pleurer, le visage contre le sol. Ça me suffit, c'est juste histoire d'être sûr, d'avoir un temps de manœuvre en plus que lui. D'accord, donc tu t'as fait ça sans aucun problème. Je gueule par contre aux autres que c'est ouvert, venez chercher. Je descends du comptoir. Ok, du coup à ce moment-là je sors mon poing américain, je lui fous un coup dans la boue. D'accord, très bien. Je vais aller chercher les thunes. D'accord, bon, cette fois je te fais pas G parce que t'as quand même un point américain, ça va suffire pour un mec qui est lambda. Tu donnes juste un coup, il finit par terre, tu sais pas trop si c'est délivrant ou pas. Okay. Tu continues pas. Voilà où il faut. Exactement. Très bien. Et donc, que tout le monde, l'entièreté de l'équipe se dirige vers l'arrière. Non, moi je suis des gens pour surveiller quand même. Moi je suis toujours devant. Non, il y a quelqu'un devant, je crois. En sachant qu'il y a les deux autres autres personnes qui sont avec vous, qui restent à l'avant en tout cas. Tel que le premier a fini son travail, il va devant. Ouais, moi, Paul, je suis toujours en mode je braque les gens, enfin, le guichetier et potentiellement le gars qui lui a mis un coup de poing dans un américain si jamais il venait à se relever ou quoi. D'accord, aucun problème. Donc tu restes avec les deux autres individus que vous ne connaissez pas à l'avant. Voilà. Donc tout le monde passe à l'arrière et tout le monde se jette sur les billets, j'imagine. Ouais, je vais sur les billets. Bah moi je pense d'ici là, enfin depuis j'ai déjà prêté tout ce que je voulais, non, moi je suis capable d'en sortir. Ouais mais moi je te demanderais si tu veux bien genre remplir mon sac, comme ça je dirais quand même le mec en otage. Ok, pas de soucis. Ouais. Dans ce cas là je remplis son sac. Enfin non, plutôt je lui passe mon sac. Et, ouais, et moi je te passe le vide et tu le re-remplis. Exactement. Bah moi je vais jeter mon sac à William du coup et je vais surveiller la ceci. D'accord, donc tu jettes le sac à William, ce qui rebondit sur William parce qu'il n'est pas prêt à le ramasser vu qu'il est en train de tenir un otage. Et tu revas vers surveiller vers la sortie. Non, je vérifie la sortie, je pourrais avoir une ligne de vue, mais sinon je suis. Ah oui, d'accord, tu vérifies la sortie, ok. Le ton sac est plein ou Il n'y a qu'une casquette et un croissant et un cheeseburger. Ah. Bah, du coup, bah, je donne un coup de pied dedans pour que ça arrive aux côtés de Jess en mode bah, faut en remplir celui-là aussi. Ok, bah. Le larme. Mais non, mais. Non, moi j'en plaignais déjà, moi. D'accord, donc pendant que Jess et 22 sont en train de remplir des. Et d'ailleurs, je balance du coup le sac plein. Comme ça, on fait un transfert, tu vois, pour être rapide. Du coup, je remplis mon sac plein qui m'a passé. Jess, je le renvoie du coup. Enfin, tu me dis, bah, du coup, je fais le transfert, on fait enchaîner même. Ouais, Patrick. Ouais, ok. J'ai cette productivité. Et donc pendant que tout le monde est en train de remplir, qu'il y a Patrick qui surveille la partie, qu'il y a Paul et les deux autres à l'avant, William, tu as le type que tu es en train de tenir, tu vois qu'il te fait « Psst ! Hey ! Quoi ? Hey mec ! Qu'est-ce que tu veux ?» Tu vois qu'il fait « Il y a une caméra là !» et il montre du menton. Dans un coin de la salle, il y a une petite caméra, toute petite. Ouais. Nous on est masqués. Occupé. Occupe-t'en. Je le fous genre un petit coup de crosse pour le calmer. Et attends, je réfléchis du coup. Attends, on est trois dans la salle, c'est ça. Enfin, il y a moi, Jess et Patrick, c'est ça. C'est enfin, ça. Ou pas. C'est ça. Ok. Du coup, genre, j'appelle Patrick, enfin, genre en faisant hey, parce qu'on se connaît pas nos noms. Et je par un coup de tête, je monte la direction de la caméra. S'il comprend, il comprend. S'il comprend pas, tant pis. Appelle-moi Croissant. Et oui, je vais aller recouvrir la caméra de peinture. Et du coup, moi, je me mets au niveau de l'entrée, là où il était lui avant. Avec toujours l'otage que auquel je viens de donner un coup de crosse. D'accord, très bien. Opération. J'ai fini de remplir mon sac ou pas, moi ? Oui, tu viens de rendre. Tu as fini de remplir ton sac, Jess aussi, t'as rempli ton sac initial. Ok. Juste une question rapide pour me donner une idée visuelle du truc. William, tu mesures combien ? Un peu moins d'un mètre 80, on va aller d'un mètre 70, il me semble. 70 ? Le mec, l'otage, il fait combien ? 1m90, 1m95. D'accord. C'était juste pour avoir une vision. Donc oui, c'est une position pas très confortable. Oui, mais enfin, c'est lui qui se plie, hein, c'est pas moi. Hein. Moi, je m'en fous. Oui, non, mais c'était pour voir la... sur la tempe et il faut se prendre un coup. Hein. C'est pour voir le... Dans mon casque, j'ai presque un petit sourire de stress, mais qui... En voyant William avec son otage. Très bien, d'accord. Voilà. Donc, 22, toi, t'as fini ton sac, tu remplis un autre sac ou pas ? Un des autres sacs qu'on vous a acheté. 22. Moi ? 22 et Jess, est-ce que vous continuez à remplir les sacs ou est-ce que vous occupez seulement de vos sacs ? C'est le temps qu'il y a des sacs pleins, je continue. Ouais, non, je remplis tous les sacs, moi. D'accord, très bien. Donc, vous continuez tous à remplir, efficacité, pas cher. Ouais, donc moi je remplis tous les sacs et après on se casse quoi. D'accord, donc vous remplissez tout ça sans aucun problème. Et donc maintenant vous vous redirigez vers la sortie, c'est ça? Exactement, je pense qu'on sort tous ensemble pour pouvoir couvrir plusieurs zones au cas où il y a les flics qui sont arrivés depuis. Même si ça m'étonnerait. Je chope un sac en bandoulière et un à la main et j'ai toujours mon arme en main. De toute façon, on avait quoi? On a 5. Enfin, les deux autres là qui sont avec nous d'ailleurs, parce que depuis tout à l'heure on fait tout ensemble, mais il y en a pas deux avec nous qui sont censés venir avec nous? Ouais, il y en a deux qui étaient avec vous, ils sont à l'avant quoi, ils étaient en train de surveiller avec toi. Sauf que eux, ils surveillaient, ils surveillaient en regardant vers l'extérieur, pas vers l'intérieur. Ouais, c'était au niveau des portes d'avant, quoi. D'accord. Donc, eux, tant qu'ils réagissent pas, c'est que tout va bien dehors pour notre. C'est ça. Et du coup, on est potentiellement donc 7, c'est ça? Donc 7 sacs. Oui. Il est toujours endormi, il fait un coup de poing américain. On m'a rien dit, donc pour moi, oui, tu vois. Du coup, si les 7 sont pris, je prends un sac que je me mets sur l'épaule, en bandoulière. D'accord, très bien. Donc, vous vous débrouillez tous pour avoir un sac, sauf William, j'imagine, qui a toujours l'homme qui tient toujours le zip. Ouais, mais normalement, j'avais un sac à moi, mais on l'a fait passer normalement pour que. J'imagine que quelqu'un te l'a pris. Ouais, j'ai pris ton sac. Ok. Donc vous dirigez vers la sortie. Vous sortez maintenant ou Bah oui. J'imagine que oui. Vous êtes un peu dans l'urgence. Bah déjà, on vérifie qu'il y a personne dehors. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc vous jetez un coup d'œil. A priori, y a pas de problème. En sortant, il y a le guichetier numéro 1, donc celui qui était encore debout. Le braquet. Juste qui vous dit pendant que vous sortez, vous êtes fou, vous savez pas à qui vous volez tout cet argent. Bah, disons que dans l'urgence, vous êtes un peu pressé, j'imagine que. Non, c'était un peu pas. On s'en fout, on le prend. maintenant c'est le nôtre donc. Oui, c'est ça, maintenant il y a nous. De toute façon, après, il peut dire ce qu'il veut, on a pris de l'argent maintenant. Maintenant il y a nous, je m'attendais pas, moi, je connais même pas ce qu'il dit. Oui, bien sûr. C'est l'idée. Donc vous sortez. Puis on est protégé. A priori, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème, mais à part le fait qu'il n'y a plus la camionnette. Quoi? Ah, ça c'est un problème. Oui, votre petite camionnette blanche est partie. Il n'y a pas la camionnette. William, t'es toujours en train de tenir le monsieur? C'était la question que j'avais posée à mes chers collègues. J'en fais quoi? Tu devrais lui dire de se mettre allongé par terre, les mains en évidence et voilà, face contre terre, comme ils font toujours quoi. Moi je propose qu'on définisse une direction et qu'on court. Je pose la question dans tous les cas, oui je l'ai encore, mais en gros je suis tout derrière en train de voir est-ce que je dégage dedans ou est-ce que je. Voilà. Mais la question que tu me poses, oui je l'ai encore. D'accord. Après, on va pas le sortir dehors avec nous, il va nous servir à quoi? Non, mais il m'a demandé, vous voulez demander un avis. Oui. Non, au moment où il pose la question, je l'ai encore. Parce que oui, j'ai pas encore pris ma décision. Ouais, d'accord, très bien. Donc je sais pas si tu considères qu'il va faire quelque chose, dans ce cas-là, je fais ça. Ouais. Sinon, j'ai sûrement donc, juste le. T'es en train de tenir le type pendant que les autres te suggèrent de le déposer au sol et de lui dire de se coucher à tout jamais. Quand il te fait poche droite, 3 clés, 3 voitures. Quoi? Poche droite, 3 clés, 3 voitures, dépêche-toi. Ok, je cherche dans la poche droite. Il y a 3 clés? Il y a 3 clés. Je les prends. De voiture. Avec c'est les 3 clés, avec lesquelles on appuie et qui fait bip bip. Ouais, tu vois ce genre de clé. je balance du coup une clé au pif, c'est une à Paul. Okay, j'attrape la clé et je regarde genre un peu perplexe. On sait ouais et c'est quoi ça? Il y a pas de 3 voitures, on les prend. Et le type qui est avec toi donc, enfin que tu tiens William te dit maintenant fais-moi mal. Oh oui. Je lui donne un énorme coup de crosse au niveau du côté du genou là, dans la jambe à peu près. D'accord. Du Non, je peux pas le choupir, mais un peu sur le côté. D'accord, donc tu lui pètes le genou, enfin, façon de parler. il se laisse tomber au sol en gueulant un bon coup. Et j'imagine que maintenant, vous. Okay. Je sais pas, vous essayez de faire bip-biper vos clés pour trouver à quelle voiture ça correspond. Ah bah moi, j'ouvre la porte et j'appuie sur le bouton pour voir s'il y a une voiture qui réagit à mon bip. Très bien, donc ouais, tout ça avec une clé, vous sortez, vous vous appuyez sur votre truc, vous voyez que les trois voitures les plus proches font soudainement bip bip. Ok, je vais en conduire une, moi personnellement, je pense que je pose les sacs sur le siège passager, et puis je démarre. Bah, c'est pareil, je fonce, j'ouvre, je balance le sac dedans, et pareil. Je me mets au... moi je suis celui, je connais pas son nom, mais je suis Paul. Ok, très bien, d'accord. Donc qui est avec qui? Bah si 22 est avec Paul, je vais partir avec Jess du coup. Ok. Et moi je suis seul. D'accord, ok, je vois. Enfin non, tu t'emmènes les deux autres là, il y a les deux autres avec nous encore. Ah oui, c'est vrai. Oui, il y a les deux autres, bien sûr. Du coup je prends les deux autres. Ceux qui servent à rien. Très bien. Donc vous partez tous en bagnole. Est-ce que vous faites le convoi ou est-ce que vous vous séparez? Oh, le convoi hein. Bah, le problème, c'est que où est-ce qu'on va? On part, mais on sait même pas où on doit aller. Alors, on vous a donné l'indication que on vous recontactera sûrement dans les jours à venir. Ah, d'accord. Donc, en gros, faut disparaître, quoi. C'est ça, c'est l'idée. Alors, moi, ce que je vais faire dans la bagnole, c'est que je vais ouvrir le coffre. Je vais me dépêcher de virer la roue de secours qui est sous le truc et je vais planquer le sac à la place. Oh, ça fait très bien, d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, on peut pas le voir même en ouvrant le coffre. Il faut ouvrir en plus la petite trappe de roue de secours. D'accord, très bien. Donc tu fais ça, c'était pendant un petit moment. Les deux autres voitures sont déjà parties. Donc dans l'urgence, déjà, j'imagine que les autres, vous l'attendez pas spécialement. Non, pas du tout. Ouais, donc les deux bagnoles sont déjà parties. T'es le dernier à faire ton truc. Et donc vous partez. J'imagine que suite à cela, vous disparaissez dans la nature, vous vous séparez, ce genre de choses. Oui, je pense que... Non, moi je pense que je reste avec Paul. Je finis le chat. Si j'ai envie d'abord. je reste avec toi, mais je te connais pas. Ouais, bah si t'as envie, mon nom peut-être. Tu t'appelles comment? On donne pas son nom. Pas encore. Pour l'instant, j'avoue que je suis très méfiant, donc je dis rien. Je m'appelle... Oh, je m'appelle 22. Ok. Enchanté. Moi, je appelle-moi, appelle-moi P. Ok. Ils font des noms de code. D'accord, très bien. Ouais, sauf qu'il y a un des deux noms de code qui n'est pas un vrai nom de code. Et je me roule un joint. D'accord, très bien. Donc la voiture se fait vite envahir par une certaine odeur. Bref, tout le monde donc disparaît. C'était l'air. Magnifique. Donc vous vous séparez tous. Vous séparez tous, vous disparaissez dans la nature. Sans vous. Vous faites un peu au moins de un ou deux jours où vous êtes bien stressé de vous faire choper. On sait jamais si vous avez fait un truc mal ou un truc comme ça. Est-ce qu'il y en a certains qui se sont dit qu'ils allaient commencer déjà à dépenser l'argent? Oui. Non. Alors moi j'y touche pas, moi. Le perso, c'est... j'y touche pas. Ouais, clairement pas. De toute façon, non. Moi, genre, ma part, genre, je l'ai planqué chez moi, et puis donc, j'attends que le jour J, on me contacte, quoi. Moi, de mon côté, je pense que j'ai déposé l'autre à une station de métro, puis j'ai rejoint ma voiture dans laquelle j'ai stocké mon argent. Et du coup, j'imagine le sien aussi. À moins qu'il veuille repartir dans le métro avec le sien. A priori, pas de réponse. Monsieur qui était avec moi dans la voiture. Hein? Oui. C'est Patrick. Tu repars avec ton argent ou pas? Sachant que je te dépose au moins une station de métro. Ah, ouais, mais moi, de toute façon, je vais faire mon petit bonhomme de chemin à pied. Tu veux l'argent avec toi? Bah, je prends mon sac avec moi. D'accord, ok. à tes risques et périls. Oui. D'accord, très bien. Bon, allez, à la prochaine. À plus. Ok, et donc vous, vous séparez, comme je l'ai déjà dit, vous disparaissez dans la sûre au bout de 2-3 jours. Enfin, il y a 2-3 jours qui passent. Patrick, d'ailleurs, après, pendant ces 2-3 jours, disons qu'en vidant ton sac, en récupérant le hamburger et tout ça, tu découvres avec une grande surprise que ce hamburger, c'est juste une coquille vide en réalité. Mm-hmm. Genre, c'est limite juste du pain, et à l'intérieur, ça a été creusé, et il y a une grenade. Putain. Est-ce des goupilles quand j'ouvre le pain ou... Non. Elle était juste posée, enfin, elle était à l'intérieur, quoi. C'était juste... T'imagines une planque juste pour une grenade. D'accord. Génial. Bah, je vais la garder. D'accord, très bien. Donc, les deux ou trois jours passent où vous, vous êtes un peu stressé par la situation. Certains, peut-être même, se déstressent de la manière dont ils se déstressent le plus souvent. Je mange. Très bien. Donc, jusqu'à que... Ben, oui, bien sûr, tu as de nouveau tes chiens. Tu es content avec eux. Et donc, tu... Jusqu'à que vous êtes recontacté par vos contacts qui vous ont déjà mis sur le coup, et qui vous ont donné donc l'indication de vous rendre à un bar qui se nomme le bar My Alibi, qui, okay. Si vous regardez votre carte, se trouve dans la partie supérieure gauche de Founders Island. Ok. Ah, il s'appelle comment? My Alibi. Ok. Dans le quartier Coventry. Très bien. Il y a un logement. Parfait. Oui, My Alibi. Ouais. Comme en anglais. C'est devant un grec quelque part, Alibi, mais je sais pas. D'accord. Je vais vous demander à tous un petit jet de crime organisé. Ah, bien sûr, notez, mettez votre résultat dans le chat. Ouf, il y en a un qui n'a pas réussi. Très bien. Donc, ceux qui n'ont pas réussi, aucun problème. Disons que oui, ok, c'est là où on va. Et ceux qui ont réussi leur jet, vous savez, vous avez déjà plus ou moins entendu parler du bar My Alibi. C'est pas connu par tout le monde, ce genre de choses, mais dans votre milieu, ça c'est au moins un peu connu. C'est le genre de bar où on va pas sans être invité, quoi. C'est le bar de un peu de l'élite. Vous savez que c'est souvent sous influence mafieuse. Ouais. Donc il y a les grands patrons là qui y vont. Ok. Donc voilà, c'est ce que vous savez sur cet endroit. Donc j'imagine que le jour J, qui disons est un jeudi soir à 21h30, vous avez votre rendez-vous au My Alibi. J'imagine que vous vous y rendez. Hein ? Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Donc, vous venez tous au bar My Alibi avec vos différents moyens de locomotion, que ce soit à pied pour les plus pauvres, pour dire ainsi, ou avec un véhicule. On nous a demandé de venir avec l'argent ou juste nous ? Non, on vous a dit de venir, juste de venir. Il n'y a pas eu d'histoire d'argent. Moi je viens. Ok. Comme c'est pas dans mon quartier, j'ai la pierre. Moi ce que je fais, c'est je prends les transports. Moi j'ai une camionnette. Je garde ma voiture à quelques rues d'ici. Dans un coin un peu tranquille, qui a pas l'air d'être trop craignos. D'accord, très bien. Donc, vous arrivez tous dans les environs. William, toi, tu peux me dire comment tu te déplaces, juste, histoire de savoir. Je suis venu à pied. Toi, t'es venu à... Ouais. Wow. Vous avez entendu le bruit ou pas? De quoi? Non. Non, c'est juste moi qui ai eu un bruit chelou, c'est mon PC, désolé. Donc, toi, tu viens à pied. Et donc, vous arrivez dans ce quartier, le Coventry, qui est, a priori, un quartier... disons que c'est un quartier de Founders Island. Hein. Founders Island, c'est un peu la partie vraiment craigneuse de Gotham City. Ah bah. Donc, disons que c'est pas, un des meilleurs quartiers. Ouais, c'est plus ou moins l'idée. C'est pas un quartier super bien, mais c'est a priori la partie, disons, la plus civilisée de cette île-là. Tandis que le reste, c'est un peu la loi de la jungle. Donc vous arrivez au My Alibi, qui a l'air d'être un petit bar, tout ce qui est plus classique. Disons qu'il n'y a aucun signe particulier, aucun problème. Vous rentrez dans ce bar, les uns après les autres, vous n'arrivez pas tous en même temps, bien entendu. Et disons que le premier arrivé, disons, est Jess, est la première arrivée. Ok. Et donc, tu es accueilli dans ce bar par une serveuse qui a l'air d'être une femme, disons que. Peut-être qui te semble. Enfin, disons qu'elle attire un peu ta sympathie parce que. Disons qu'il y a peut-être un petit parallèle entre ta vie et la sienne, a priori. Elle a l'air d'avoir elle aussi, tu vois, ce genre de choses. Disons que c'est le genre de fille qui a été jeune, rebelle et qui a maintenant. L'âge qui commence à lui tomber dessus, mais qui continue à bosser dans ce genre de milieu. Mmh. Et donc, elle t'accueille avec un... Salut, ma jolie! Salut! Comment ça va? Tu veux quelque chose? Oui, je veux bien. Très bien. Alors, j'ai... là, elle te sort un peu les différentes marques. Là. Très bien. Tu peux aller t'installer à la table là-bas, je t'amène ça. Je m'y installe. Très bien. Et sur la table, je pose la bombe de peinture qu'on nous avait passée. Très bien. Aucun problème. Donc tu poses ta bombe. Et tu regardes les alentours un peu, histoire de voir un peu dans quel genre d'endroit t'es. Tu vois que c'est un bar un peu avec une ambiance un peu cow-boy. Dans les décorations un peu cow-boy, un peu routard, ce genre de choses. Mmh. Genre avec les crânes de vache avec des grosses cornes accrochées au mur et tout. Ouais, c'est ça, et avec les photos de gang de... Comment on appelle ça? De motards. De motards. Ouais, de motards et tout ça, tu vois, c'est avec des petites signatures en dessous, ce genre de choses. Des billards, non, peut-être, le jukebox. Ouais, oui, c'est ça. Oh, ok. Ce genre d'ambiance, et tu vois qu'il n'y a pas grand monde, il y a juste deux ou trois autres tables qui sont prises par d'autres types qui ont l'air de discuter... Ils jettent absolument pas un œil vers toi, ils sont complètement à l'aise dans les lieux. Ok, dans ce cas, je vais attendre les autres. D'accord, donc tu attends, puis il arrive 22. Il doit être... c'est toujours entre 21h30 et 22h encore pour l'instant. Tu arrives 22, puis Patrick et Paul, okay. Ainsi que William. Et vous êtes toujours accueillis par cette serveuse qui vous... Toujours avec... avec sa petite façon de parler particulière. Salut les gars, vous voulez quelque chose de particulier? L'alcool. Je sais pas, vous avez quoi comme rhum? On a le meilleur de la ville, tu vois, qu'elle sort une bouteille qui a l'air de te mettre plutôt en confiance. Bah, avec un peu de citron et du sucre, ça ira très bien. Très bien, je te Moi, fais je ça. Un shot. Va t'asseoir à une table. Je demande juste un shot. Très bien. C'est plus ou moins l'idée, mais avec moins de monde et moins de trucs bizarres sur le bar. Donc vous vous installez, disons que vous voyez aussi qu'il y a l'air d'avoir une femme blonde qui est assise à une table avec une bombe à peinture sur la table. Elle est jeune, elle est comment? Elle a l'air d'être dans la trentaine. Okay. Peut-être ce genre de choses. dans le même, un peu plus. Dans le même style. Enfin, c'est. Les bikers, c'est une cow-boy. C'est... Attends, tu sais quoi, je vais envoyer l'image, le dessin que j'ai fait. Comme ça, ce sera. Oui, voilà, comme ça, vous avez une idée claire de la. Ça toutes les descriptions du monde. De la demoiselle. Enfin, de la madame. Ou de la demoiselle, on sait jamais. Après tout, vous n'en savez rien. Voici donc la personne que vous voyez assis à une table avec une bombe de peinture en plein milieu de la table. Et des vraies chaussures à talons. Pas celles que j'ai dessinées. Bah écoute, je me dirige vers elle, moi. D'accord. Et je lui demande, je peux m'asseoir ? Oui. D'abord, je demande à la sœur. Le mec qui l'avait crié pendant le braquage, j'imagine que j'ai quand même reconnu sa voix. Oui, sans aucun problème. Ouais, donc sinon, je lui dis, j'adore votre bonbonne, j'ai la même à la maison. Ouais, non. Dans ce cas-là, je l'invite à ce soir. Wink, wink. Je demande à la femme si elle a le droit de fumer. Ouais, pas de problème, fais comme chez toi. Ok, je sors une clope, normal. Très bien. Donc, j'imagine qu'au fur et à mesure que vous arrivez, vous vous installez tous à la table, on comprend le fameux signe de la bonbonne. Ouais. Vous êtes pas con, j'imagine. Oui, bah oui. Pas totalement. Ça devrait aller. Très bien. Vous êtes tous à cette table et profitons du fait que ce soit la première fois que vous réellement sans masque, sans l'obscurité du fourgon, ce genre de choses, pour vous décrire un peu physiquement aux gens. En commençant dans l'ordre du Discord, c'est-à-dire 22, GS, tout ça. Ok. Donc en gros, moi, je suis en switch, j'ai une capuche, plus ou moins tout le temps. Je suis assez brun, j'ai les yeux bleus. J'ai un sourire assez particulier, on pourrait flipper quand on me voit. Et après, vous ne pouvez pas vraiment me voir autrement, vous savez pas si j'avais des tatouages ou quoi, je suis totalement couvert. Et vous pouvez voir que je fume beaucoup et je bois beaucoup d'alcool. Et j'ai deux skis, aussi. Dans le bas ? Je crois que là, j'ai pas demandé, mais je les ai. Oui, tu les as avec toi, mais la serveuse t'a rien dit en les voyant. Ok, donc après, okay, okay. No problème. Dit husky. Oui. D'accord, oui. Pas ski. Non, j'ai deux husky. C'est bien ça. On va sauter Jess pour la discussion, j'imagine, vu qu'il y a déjà l'image, ça veut dire. Oui, bon, après... Patrick ? Oui. Moi, déjà, de base, j'ai la tête de Belmondo, je porte une casquette, une chemise, autour du cou j'ai une petite chaînette avec une alliance, et sinon je suis sapé à peu près normalement, puis voilà. Et je mange un pain au chocolat, je suis tout le temps en train de bouffer. Très bien. Paul ? Ouais, alors du coup, bah, je vais vous mettre ça hein, déjà pour commencer. Donc, ouais, j'ai 20, enfin, je suis plutôt la vingtaine, 20, 30 ans, 26 ans. J'ai un visage quelconque, mais je pense que les femmes aiment bien. Rien de signe quand même, quoi. J'ai une belle gueule quand même, mais bon, je suis pas non plus. Lol, je suis plus net gros, quoi. Un peu souriant quand même, quelqu'un de au visage un peu souriant, pas fermé. Quoi. Moi jamais, pour préciser. Hein. Voilà. D'accord. Très bien, William. Ouais, moi je suis un homme plutôt en bon point, assez classique, qui sort pas vraiment de l'ordinaire. Les cheveux un peu mi-longs, une petite barbe, et assez propre sur moi en termes de vêtements. Enfin, propre. C'est pas. Disons que dans l'ambiance de la ville, c'est assez propre sur soi, mais je suis pas non plus abusé là-dessus. Mais voilà. Vous avez l'image. D'accord, très bien. D'accord, donc tout le monde se met à fumer quasiment autour de la table. Non, en fait, mais il est pas asthmatique. J'avais oublié d'écrire le pas, je fume pas. D'accord. Ok, okay. Donc certains se mettent à fumer. Je croyais que t'étais asthmatique. Regarde les fumeurs un peu, genre. Putain. Je tends mon verre de rhum à Paul-Edouard et je lui dis de boire ça va les Ça va lui déconcentrer. Entre deux, je me suis fait un ou deux shots, moi. Moi, je bois pas d'alcool. Je bois principalement des boissons énergétiques. C'est genre le Red Bull, les machins bien, ça, bien speed. Hein, ça te pétait la santé, ça. Ça va te niquer la santé, dit-il en buvant 5 rhum. Et en fumant un pétard. Et un joint. Moi, je mens rien à part mon cocktail. Le but, c'est pas non plus de se bourrer la gueule alors qu'on risque de. D'accord. Non, moi, j'ai pris un shot, non, enfin voilà. Donc, l'attente commence à se faire sentir. Parce que, disons qu'a priori, la personne qui vous a donné rendez-vous n'est pas encore là. Et est-ce qu'il y a les deux autres? Est-ce que les deux autres sont arrivés aussi? Non, ils sont pas là. Il y a que nous, d'accord. Que les cinq. Ok. C'est ça. D'accord, je note que les deux autres sont pas arrivés. Très bien. Est-ce que vous en profitez pour discuter un peu? Bah, disons que l'attente, ça commence à être lourd, là. Ouais, je me présente une seconde fois au prénom de 22. Bah, moi, je leur dis... comme j'ai pas en... je les connais pas encore vraiment, j'ai appelez-moi Pi. Ok. Pourquoi tu ne donnes pas ton vrai prénom, 22? J'en ai pas. Enfin, c'est une longue histoire. Ok. D'accord. A priori, personne d'autre ne veut se présenter. Je me tourne vers... Je me tourne vers William, je fais « Et toi, c'est quoi ton blaze ?» Ah, je m'appelle William. Ouais. T'es nouveau dans le métier ? Ouais, plutôt, ouais. Est-ce que j'ai bien l'impression que t'as l'air d'être un peu perdu ici ? Un débutant, il en faut. Alors, on a tous été. Toujours. Eh bien, moi, appelez-moi Pat. Croissant, comme vous voulez. Je vais t'appeler pain au chocolat. Chocolatine, pardon. Chocolatine, ouais, on a. Le mec, son nom, c'était Chocolatine. Moi, je viens d'opération, ce sera mon surnom. Quelqu'un est déjà venu ici avant? Ouais. Non, jamais. Jamais. Vous savez comment ça se passe habituellement? Oh, il peut y avoir des bastons. Non, je veux dire. C'est qui qu'on est censé retrouver? Non, je sais pas du tout là-dessus. J'ai jamais eu ces employeurs par ça. Bah, c'est jamais vraiment les mêmes personnes. Le réseau aussi. Surtout quand c'est des gens qui nous font porter des masques de paria. Je sais même pas si on peut parler d'un réseau à ce moment-là. Ok. Du coup, et après on parle de choses banales, parce que forcément, enfin moi du moins je parle de choses banales, parce que une fois qu'on a fait connaissance, après... D'accord, ouais. Donc vous essayez de faire un peu durer la discussion quoi pour pas s'ennuyer, mais ouais, c'est pas ça. Non plus l'incroyable... Tenez, regardez, pour nous occuper, j'ai un jeu de cartes. Ah, ça je partons. Un petit Allez. Poker. Ouais, ouais, et puis si jamais, si vous voulez, on peut essayer. Moi je vais leur apprendre. J'ai essayé d'apprendre à lire l'avenir avec ça. Alors je sais pas si ça marche vraiment, mais ça peut être rigolo. C'est un jeu de tarot ? Du moment qu'il n'y a pas la mort à la fin. Non, avec un jeu de cartes classique. Attendez. Je vais essayer. Je vais faire un test pour la serveuse. Je tire 2-3 cartes. Ouais, je sais pas, non. Ça a pas l'air de marcher, c'est un peu bizarre. Je joue sur un petit bouquin sur lequel je suis en train de lire pour essayer de voir les significations. Alors, il y a une carte, ça parle de sport, genre le baseball. Et l'autre, là. Ah, d'accord. Ouais, non, c'est un peu pour les superstitieux. Mais... On va voir un barbu avec un foulard rouge, un gros blouson et une batte arriver. Moi même j'y crois pas. Quelqu'un d'autre veut essayer? Il suffit de tirer 3 cartes et de regarder dans le bouquin à quoi ça correspond. Allez, vas-y, je le fais. Ok. MJ, je te laisse donner les résultats. Comment le mettre dans la merde. C'est au pif, hein. Il y a des cartes, voilà. D'accord, attends. Non, mais je sais absolument pas comment ça marche, je me demande pas ça, moi. J'ai un petit paquet de cartes, regarde, je fais ça au pif, je prends des cartes sans réfléchir. Il y a un 5 de trèfle, un 6 de carreau et un 2 de carreau. Voilà. Alors, selon le livret, cette carte signifie joie, vie sociale, faire ce qu'on aime, plaisir, amitié, conflit émotionnel et choix. Celle-ci, éliminer ce qui vous empêche d'avancer, libérer l'agressivité, nettoyage mental, purification radicale, renaître une évolution, fin d'une illusion. Et enfin, la dernière, intuition, réceptivité, divination, imagination, folie, solitude, idéal que l'on veut atteindre. J'espère que ça sera plutôt l'idéal. Ouais, j'en conclus que il va y avoir un grand bouleversement pour toi, un grand changement dans les jours à venir. Et... Par contre, comment ça se fait que tes cartes elles donnent des trucs aussi contradictoires, elles te donnent à la fois l'idéal et en même temps la folie, la solitude, enfin c'est pas un peu... J'imagine que c'est pour... comme ça que ça peut marcher seulement. Ah, c'est pas très fiable. Pas mais son inverse, au moins, t'es sûr qu'il y a... J'ai mis la mienne dans le chat. Je viens de la tirer. Ah, ok. Moi, je regarde ça d'un air amusé. Ça me fait sourire. C'est... Je dirais pas que c'est de la merde, mais j'en pense pas, moi. Jour pour notre ami 22, ça va être quoi, imaginons. Amour, fraternité, succès, évolution, construction. Âme du monde, extase, sainteté, perfection. Perfection. La dernière, âme religieuse, isolement, mère sévère, tradition, pureté et secret. Très sûrement de la merde ce truc. Je sais pas, je trouvais ça dans un bar, quelqu'un l'avait oublié sur une banquette. D'accord. Je vois. Ouais, je vois. C'est pas une chose intéressante dans les bars. Mais bon, ça passe le temps. Ah, toujours. Il est quelle heure à ce moment-là? Ah, il doit être 22h, comme ça. Okay. Et au bout d'un moment, donc, la serveuse se redirige vers vous. Vous fait ça va, pas de problème? Non, c'est bon. Pas pour l'instant. Super. Vous avez besoin de quelque chose en plus? Bah, je reprends la même chose. Un verre d'eau, s'il vous plaît. Très bien, je vous amène ça. Tu vois qu'après, elle se retourne. Et puis, elle se retourne vers vous et fait vous êtes là pour le rendez-vous? Oui. Ouais. Très bien, d'accord, je vais mettre ça sur sa note alors. Je vous amène ça. En fait, j'ai changé d'avis, finalement, je vais plutôt prendre un Bloody Mary, s'il vous plaît. Très bien, ma jolie. Non, moi, je leur demande pas. Moi, je veux une dame blanche, en fait. Mais une dame blanche, moi, elle recule, je leur fais, j'ai entendu, elle va mettre ça sur sa note. Très bien, d'accord. Donc vous attendez encore un petit moment et puis il arrive un instant où ça doit être aux alentours de 22h30, un truc comme ça, il vous a bien fait attendre. Du coup, j'imagine la porte s'ouvre et entre un type donc plutôt grand, en costard, plutôt bien habillé, si ce n'est que le costard est ouvert et qu'il n'y a pas de cravate. A priori, c'est quelque chose de qualité, c'est juste qu'aujourd'hui, il n'était pas dans l'idée de se mettre une cravate. Mmh. Ouais, cheveux noirs, plaqués en arrière, avec une petite barbe de 3 jours. Et William, toi en particulier, quand tu le regardes, disons que c'est un petit mouvement de recul. C'est un peu cette impression que, merde, tu vas mourir. Parce que ce type est complètement celui que t'as pris en otage. Merde. Ouais. Donc le type rentre, tu vois que vos deux regards se croisent. Il prend un petit sourire un peu amusé. Puis après il se dirige vers la serveuse, il a l'air de lui parler un petit truc. Est-ce que vous faites quelque chose ou pas? Les autres, vous commencez... Les autres, vous commencez à le reconnaître, à lui, comme étant aussi celui-là que vous avez pris dans l'otage. Je tire une carte pour William. Et je vais t'en lire. Mais arrête. Donc, moi, et là, il y a mort, tu sais. Non, c'est pour ça qu'il nous a donné écrit. Moi, effectivement, au bout d'un moment, moi aussi, je le reconnais. Après, clairement, avec tout ce qui s'est passé, les bagnoles qu'il nous a filées et tout, clairement, il était, enfin, comme c'était prévu, il était avec nous. Donc, j'ai pas d'appréhension quelconque à le voir arriver. C'était évident qu'il était dans la cuisine. D'accord, très bien. Moi, je me lève pour aller lui serrer la main. D'accord, je te lève. Moi, je me lève pas. J'attends qu'il vienne. Je me lève pas. Non, mais genre, quand il arrive. Je me rallume une clope. D'accord, moi, j'attends le regard en mode il va pas me voir, il va pas me voir. Très bien. Donc, quand il arrive, Patrick, tu te lèves, tu lui serres la main. Il te serre la main aussi en retour, sans problème. Il te fait salut, Patrick. Et toi ? Bien le bonjour. Oui, Patrick, et toi ? Quoi ? Ouais, il s'appelle Patrick ? C'est quoi ton nom ? Ah, Patrick. Tu vois qu'il a un grand sourire. Salut, et moi fait... c'est Patrick aussi. Il fait... Tous des Patrick. Ah, aussi. Un autre Patrick. Tu te regardes. Et... Ah. Oui. C'est un peu l'idée, tu vois, de l'air qu'il a sur son visage. Après, il se tourne vers les autres, il vous serre la main aussi. En faisant toujours Patrick. Moi, c'est Pi. Moi, je me fais tout petit, hein, genre je lui serre la main. Je dis, moi, c'est Pi. Parfait. Donc, tu vois que après, il s'installe à une chaise. Il regarde aux alentours, il voit qu'il va prendre une chaise à une table à côté, il la pose à côté, il la pose avec vous. Il s'installe, donc il a un peu de mal à installer, il a l'air d'avoir un peu mal au monde. Est-ce qu'il s'assoit à côté de William ? Oui, il s'assoit à côté de William. Okay. Je suis en sueur. Et il lui met le bras sur l'épaule, c'est genre. Ah non, moi je suis normal. Je change ma clope de main, je lui serre la main et je la remets dans l'autre. D'accord, très bien. Donc il s'installe, il vous regarde les uns après les autres et il fait... Vous allez bien ? Oh, très bien. Et vous ? Ça va, ça va. Je continue de mélanger mon paquet de cartes, tu sais, c'est en mode anti-stress pour occuper mes mains. Oui, c'est lui qui avait le hamburger. Oui, c'est ça. Oui, c'est lui qui avait le hamburger. J'ai fait... En fait, il était vraiment délicieux, votre hamburger, avec un immense plein d'œil. Ouais, un peu épicé, n'est-ce pas ? Bon, écoutez les gars, pour ce qui est de l'argent, je m'en fous, vous pouvez garder tout ce que vous avez pris. Ah. On est d'accord ? Pas de problème, de toute façon j'imagine que vous n'allez pas dire le contraire. Non, sûrement pas. Très bien, parfait. Je suis là pour vous poser 2-3 petites questions, faire connaissance un peu entre amis. Dites-moi, vous gagnez beaucoup au quotidien dans ce que vous faites ? Je pense qu'on peut dire oui. En mettant de côté ce qu'on vient de faire ensemble, bien sûr. Ce qu'on a fait ensemble il y a quelques jours. Ah, pour moi, j'ai des clients, on va dire, réguliers. Non. Pas si spécialement. Ouais, non, clairement pas, non. Non, moi, j'arrive à tenir, on va dire. Je vois. C'est la galère, c'est la crise, comme on dit. Hein ? Même si c'est un peu un état normal à Gotham. Ouais. Et seconde question. Est-ce que ça vous intéresse de gagner un petit peu plus, voire beaucoup plus ? Toujours. Ça ne se refuse pas. On t'écoute. Troisième question, est-ce que ça vous intéresse toujours ? Si ça veut dire, pendant un petit moment, faire un peu le sale boulot. Carrément. Qu'est-ce que t'entends par faire le sale boulot ? Oh, tu... disons, ça peut aller de juste livrer un colis, aller dire bonjour à quelqu'un, casser des chevilles, briser des crânes. Bah, c'est-à-dire que j'avais 7 ans de loyer en retard, j'ai un peu tout dépensé déjà, donc je pense l'accepter quand même. Il y a du trafic. Pour l'instant, j'en dirais pas trop. Ok. Donc a priori, vous êtes plus ou moins tous intéressés. Carrément. Toujours. Ouais. Parfait. Alors, considérez ce que vous avez fait il y a quelques jours comme ayant été un test. Certains ont réussi, d'autres ont échoué. Oh. Comment savoir qui a réussi ou échoué ? Est-ce que... Ils sont pas là, ceux qui ont échoué. Ah. Ah. Ah. Je pense qu'il aurait arrivé. On imagine qu'ils vont très bien. Hashtag pétage de genoux. Je m'en fous complètement. J'ai pas envie de savoir. Faut pas savoir. Oui, dans ta partie, hein. Faut pas savoir. Il faut que vous sachiez que le travail que je vais sûrement vous donner, disons, dans quelques temps, pas forcément les premiers, mais un peu plus tard, demanderont à ce que vous soyez vraiment discret. Que vous en parlez pas autour de vous, que vous ébruitez pas ce genre de choses. J'imagine que vous êtes... que vous êtes un peu au courant de ce genre d'habitude. Mmh. Très bien. Moi, je suis habitué. Bien, considérez que pour ce qui est de ma part, vous êtes engagé. De votre part, c'est-à-dire ? Disons qu'il y a d'autres personnes. Ouais, j'imagine. À qui je dois en parler. Mais pour ce qui est de ma part, vous me serez toujours utile. Ok. Vous êtes plus une dizaine ou une centaine, vous pouvez pas vous dévoiler. On est plusieurs. Ok. Vous avez un numéro ? Genre un téléphone jetable, ouais. Oui. Vous voyez qu'il sort un téléphone de sa poche, il fait donnez-les-moi les uns après les autres. Donc j'imagine que vous. Ouais. Ouais, je passe mon jetable. Ouais. D'accord. Donc vous déballez tous un petit numéro qui se met à noter. Sauf s'il y en a qui sont pas d'accord. Je vous note sur un compte serviette que je lui passe. D'accord, très bien. Donc pareil, vous, a priori... Pareil, je lui donne ça. Ouais, dans ce cas-là, je peux tourner la serviette pour que tout le monde puisse écrire. Hein. D'accord, très bien. Donc vous le passez tous son numéro, il a l'air de noter, écrit. Parfait, pas de problème. Avant de commencer avec du boulot sérieux, j'aurais un petit service à vous demander. Vous voyez, je suis ce qu'on peut appeler un père aimant. J'aime beaucoup ma fille. Je la chouchoute beaucoup trop, je dirais même. Mais bon, c'est comme ça. Ouais, ça se comprend. Le problème, c'est qu'elle a l'habitude de se mettre dans de mauvaises situations et sortir avec les mauvais garçons. Ah, ok. Et le truc, c'est que son ex le plus récent, bah, il a l'air d'être très d'accord avec le fait qu'il est ex devant petite amie. Mm-hmm. J'aimerais bien que vous alliez lui rendre une petite visite, histoire de lui faire peur, rien de grave. Oui, qu'on lui explique un peu ce que c'est que la vie, quoi. C'est vous ça. Vous voulez qu'on en rapporte combien ? De quoi ? Dedans. il a vraiment un petit rire, il a l'air d'approuver la blague. Il fait disons que s'il a pas l'air de comprendre, je les prendrai toutes. Sa tête aussi. Moi, je dis que ça se tire au dé, ce genre de choses. Non, je préférerais qu'il n'y ait pas de mort. Ok, pas de problème. Il y a des raids dans le truc. Non, faites-lui peur. Okay. Non, mais je veux dire en général, dans l'émission. Oh, pour l'instant, je vous mettrai au courant quand votre boulot sera vraiment officiel. Ok, pas de problème. Pour l'instant, considérez que vous travaillez au black. Ouais, ok. Très bien. D'accord. Alors. Des gens qui déclarent ce genre d'activité. Elle a un nom, votre fille. Comment? Elle a un nom, votre fille. Oui, elle s'appelle Megan. D'accord. Et elle habite où le gros? Il habite aux 15 rues. Machin, truc. Ok. On a un GPS. Aucun... enfin, il vous donne l'adresse. Il s'appelle comment? De quoi? Il s'appelle comment? C'est Megan ou Megan? Megan. Ouais. Non, il parle de sa fille. Oui, non, ça c'est... La fille, c'est Megan. Mais d'accord. Non, mais c'est Megan. Oui, la fille, c'est Megan. Sinon, l'ex... Avec un M. Celui-là qui vous devez péter la gueule, il s'appelle Alex, je crois, ou Alexandre. Ou... Ça fait plus impressionnant de débarquer en disant un nom. Ouais, c'est un truc avec un Alex, je crois. Ok, on va l'appeler Alex. Il habite dans... vu l'adresse qu'il nous a donnée, c'est plutôt quartier riche, pauvre ou... Oh, ça va être un coin plutôt craigneux de la ville. Ok. Ouais, il faut préparer le gros sel. Loin d'où je fais mes affaires ou pas? De quoi? Loin d'où je fais mes affaires ou pas? Ouais, c'est pas vraiment dans ta zone. Ok. Bon, bah... Je vous dis à la prochaine et qui en est un de vous question. Oui. C'était pourquoi les peintures? Les caméras? Oh, c'était surtout pour les caméras et pour les caméras. On était masqués. Comment? On était masqués. Ça empêche rien. Ouais, oui, mais après, disons que. Bon. Ouais, mais il faut toujours garder les plus grandes précautions, ma petite. Ok, ok. Très bien. Donc, bon, ben, je vous dis à plus tard et j'aimerais bien qu'il y ait un de vous qui me contacte une fois que ce sera fait. Très bien. Vous inquiétez pas, je vous rappellerai si un jour j'ai de nouveau besoin de vous. Très bien. Je monte vite fait aux autres le point américain. Et après, je remets la manche dessus. Très bien. Bon, bah bisous à vous. Puis il se lève et il va discuter avec d'autres types sur une autre table, a priori, qui ont l'air de l'accueillir à bras ouverts. Bah s'il manque le point américain, moi je sors un tonfa de mon sac. Après, les gars, qu'on soit d'accord, je pense pas que ce soit une bonne idée de le tabasser, le petit. Si on est non, de la violence, il va répondre par la violence. Et si jamais la fille de Patrick se fait tabasser, on risque d'avoir des soucis. C'est ok. On doit juste lui faire comprendre qui doit. Qui bah, déjà, ce qui serait peut-être utile de faire, c'est de savoir à qui on a affaire vraiment. Est-ce qu'on va pas. Non, c'est un petit jeune. Enfin, ça, coupe les couilles. Est-ce qu'on va pas tabasser quelqu'un, le fils de quelqu'un, si vous voulez. De toute façon, on va pas tabasser, on y va pour faire peur. Là, je suis d'accord avec. Jess. La dame, Jess, merci. Enfin, on passera la violence quand c'est le dernier recours. Pour l'instant, faire peur. Enfin, on est cinq. On est armés. Je pense qu'il y a de quoi être déjà assez impressionnant. Forcément, casser de la bouche. Éventuellement des dégâts matériels s'il faut. Mais oui, ça par contre, c'est rigolo. Mais bon, évitons effectivement. Genre, bon, il préférait. À éviter le maximum de dégâts, surtout pas de mort. Donc, il s'appelle comment en fait le type? Alex, un truc du genre. Alex, Alexandre. Du coup, on l'appellera juste Alex pour. Alex, pour... Alexis, Alexandre, Sandro, je sais pas. Dans tous les cas, genre si ça commence par Alex, si on l'appelle Alex, ça fonctionnera. Donc, Ok, écoutez. On a un Canadien barbu à casquette, c'est déjà très impressionnant. Quand même. Ok. On y va à pied ou... Bah j'ai une camionnette si vous voulez, s'il y en a qui ne sont pas véhiculés. C'est loin d'ici ou pas où il habite? On est dans le quartier, de ce que j'ai compris. Bah disons que comme donc le Mayalibi, comme je vous l'ai dit, haut à gauche de Founders Island. Mm-hmm. Et là ça a l'air d'être plus vers le centre de Founders Island. Ouais, pour aller en métro. Ouais, non mais clairement... ouais. Et c'est, on a une adresse précise là ? Ouais. C'est où là ? J'ai pas noté du coup. Même à pied, il y a que... Disons que c'est dans une certaine rue, à un certain appartement. Ah d'accord, c'était ça l'adresse précise, d'accord. Ouais, oui, c'est ça, exactement. Mais non, j'ai cru parce que comme la carte est très bien faite, je me suis dit peut-être que tu... Ça devait être l'horreur pour les noms de rue. De quoi ? Alors, ça devait être l'horreur pour les noms de rue. Ah bah c'est écrit, hein. Après, il y a des codes couleurs, donc après... Alors, si t'arrives à le trouver le 17, franchement, je te dis chapeau. Non mais allons-y en... Bah écoute, on les nombreux ont disparu. On voit qu'il y a relativement énormément de stations de métro un peu partout, donc autant... Oui, non mais clairement, en plus genre, il y en a... ouais, non, autant il y a un métro à pied, genre il y a deux quartiers à traverser. Ouais, c'est sûr. Oui, de toute manière, les déplacements à Gotham, c'est facile, il y a des métros, il y a le monorail, que vous voulez. J'ai une camionnette au cas où parce que j'ai pas envie d'aller la rechercher après. Il y a le monorail ? Oui, il y a le monorail. Ah ok. On est dans ce genre de... Prenez la station du monorail. Il a été fait par les parents de Bruce Wayne, quand même. Oui, enfin... Exactement. D'après les films. Oui, mais ces films-là n'existent pas. Je travaille de l'or, les gens, faut pas... Très bien. On prend la station du Willet, du coup, pour y aller. Enfin, moi perso, j'y vais en métro, hein, enfin tranquille. Ah ouais, bah Willet c'est la plus proche. Et il y a deux stations à prendre. Donc allez, je suis en métro. D'accord, donc vous prenez tous le métro ou certains ne le prennent pas ? S'ils vont tous, je vais le prendre, mais ça me fait un petit peu chier parce qu'il faudra que je recherche une camionnette. Pendant qu'on y va, je prends mon téléphone, j'ai mon kit piéton, là je mets une oreillette pour écouter ma musique. Je vais vite assumer l'arme en public. D'accord, très bien. Bon, vous prenez le métro jusqu'à arriver à la station la plus proche de l'endroit où vous devez aller. Le voyage a été plutôt tranquille, il n'y avait pas grand monde à cette heure-là. Normal. Oui, il doit être à peu près 23h, peut-être même un truc comme ça. Ouais, en vrai, on va réveiller le gamin à 23h. Non, c'est parfait. Bon, tu risques d'y avoir ses parents. Ah, j'avoue. Ça se trouve, il n'y a pas de parents. Ça se trouve, des parents, c'est les clients. Faut voir l'âge. D'accord. Donc vous dirigez vers vers l'adresse qu'on vous a donnée. Ouais. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc vous arrivez, vous traversez un peu l'endroit. Vous voyez que c'est pas non plus le quartier vraiment miteux où les maisons sont faites en bric-à-brac ou ce genre de trucs, hein, non plus. Parce qu'il y a vraiment un quartier comme ça à Gotham où les maisons sont en post-apo. Mais disons que ici c'est quand même c'est vivable, quoi, mais c'est le coin des gangs, quoi, en quelque sorte, hein, ça se voit. Il y a les tags un peu partout, il n'y a aucun problème. Je sais pas pourquoi il y a une photo comme ça qui apparaît. C'est la carte, je pense. C'est pas la fille. Et donc, vous arrivez devant exactement l'endroit. Ça a l'air d'être un petit HLM, ce genre de choses, avec... qui a l'air d'être plutôt miteux, il faut l'avouer. Ok. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes donc devant. Vous avez aussi le numéro de l'appartement où il est être, bien sûr. Bon, bah, je pense qu'on va aller sonner. Ouais. Je vous propose que c'est moi qui parle à l'interphone. Une voix féminine, c'est moins... Ouais, vas-y. Suspect. Non, complètement. Voilà. Je m'allume un métal là, par contre, y'a pas à déconner. D'accord, très bien. Donc, je vais fumer sur le gamin. Feu, du coup, parce que j'en ai plus. Ouais, je te passe. Allez, j'espère que c'est les parents qui vont décrocher. Je sonne à l'interphone. D'accord, donc tu sonnes. T'entends au-dessus, venant d'une fenêtre fenêtre qui est ouverte, une petite sonnerie. Cachez-vous, cachez-vous. Je leur fais signe de se mettre sur le côté au cas où quelqu'un regarde par la fenêtre. Ok, je suis un passant, je marche. Je me mets sur le côté, moi. Je cache ma clé, enfin, je cache mon bédo. Et t'entends que ça décroche de l'autre côté, mais il n'y a pas de voix. Allô ? J'essaie de prendre une voix beaucoup plus jeune que je ne le suis. Allô ? D'accord. T'as une voix qui a l'air d'être une voix d'un homme ou peut-être d'un adolescent ou un truc comme ça. Qui fait ouais, bonjour, allô, qui c'est là ? Ouais. Ouais, faut que. Alex, faut que tu descendes. Il faut qu'on parle. J'essaie de parler loin, tu vois, comme ça, si jamais, vu que j'ai pas exactement la même voix, j'imagine que la fille... Ouais, et puis j'ai de l'interphone, tout ça, ça doit... Ouais, c'est ça, c'est... et surtout, je parle loin, tu vois, j'essaie de parler... Je saurais pas comment dire, tu vois, mais... Un peu de masquer ta voix pour essayer de coller avec ouais, celle c'est de, ça, comme de Megan, si y avait quoi. Du vent qui couvrait un peu, quoi, qu'on comprenne ce que je dis, mais sans plus. Avec un peu de chance, ça pourrait marcher, quoi. Et donc, il y a un petit moment de silence, ça fait... Océane, c'est toi ? Descends. Et je raccroche. D'accord, donc tu raccroches. Est-ce qu'il y a un lampadaire pas loin ? Ah non, que attends. On est dans un quartier quand même pauvre. Ouais, je vais me décaler de l'autre bout de la rue, comme ça, s'il descend, il y aura juste ma silhouette qu'on verra. Ah, mais si on regarde par la fenêtre... Du coup, je vais éviter d'être éclairé, justement, c'était ça l'idée. Donc c'est pour ça que je demande, est-ce qu'il y a un lampadaire ? Pas dans l'immédiat. Ok, bon, je vais attendre quelques secondes, et au bout de quelques secondes, je vais me mettre au niveau de... dehors. D'accord. Et les autres, qu'est-ce que vous faites ? De là où je suis, est-ce que vous pourrez me voir depuis la fenêtre ? Ou est-ce que, tu sais, il y a une espèce de petite entrée à moitié ? Il pourrait te voir, je pense. Ok, dans ce cas, je vais moi, franchement, je m'éloigne. Pardon, excuse-moi. Moi, je m'éloigne en mode random, une personne qui est dans la rue, qui est adossée quelque part. Moi, je me mets genre, je me mets contre un mur. La porte. Je me mets contre un mur, moi, tranquille. Mais s'il y a un banc, un truc comme ça, je me sors dessus, moi. D'accord, donc vous vous étalez un peu dans la rue, quoi, en quelque sorte. Et ouais, je continue de fumer, moi. D'accord, donc vous vous étalez. Et a priori, personne ne regarde par la fenêtre. T'entends, je... Vous entendez juste des trucs qui bougent à l'intérieur, ça a l'air de bouger plutôt violemment à l'intérieur. Puis au bout d'un moment, il y a la porte d'entrée qui s'ouvre et il y a un jeune ado, torse nu, qui sort. Parce qu'à l'heure, je me suis décalé légèrement. Je t'ai dit que je traversais la rue au bout de quelques temps. Oui, tu enfin, la route, tu vois, pour que je sois de l'autre côté, qui est juste ma silhouette, me forcer à se rapprocher. Ouais, oui, tu t'es décalé. Et moi, quand il sort, enfin, genre, vu que moi je m'étais mis à côté de la porte, moi je m'adosse contre le mur, dès qu'il sort, je le plaque et je suis posé dos devant lui. Parfait. Genre, je le plaque contre le mur, je maintiens, je mettais mon avant-bras sous la gorge, ta gueule. D'accord, tu fais ça, y a pas besoin de jet, parce qu'il était complètement assommé par le sommeil et tout ce qu'il reste, donc. Tu me plaques au sol sans aucun problème, il fait... Contre le mur, pas au sol. D'accord. Oui, donc tu me mets contre le mur et... Ouais. Il est dans l'incompréhension, il fait... Qu'est-ce que... Je prends une taffe et je la mets sur le visage. D'accord, donc... Et je fais ça 2-3 fois. Et qu'il lui fout le... Donc ça fait... Ah, arrêtez ! Vous êtes tarés ou quoi ? Tu vois la petite alors Megan. Tu connais ouais. Megan ouais. En fait, quand il dit prendre une taf, c'est genre de la fumée, il lui a pas mis sa clope sur la gueule. Ah non. Là tu le fais hurler et tout, mais genre si je dis non, la fumée, non. Genre je balance la fumée de Bédo dans la gueule. Quoi. Ah oui, c'est le A de s'il vous plaît arrêtez de m'enfumer quoi. Genre, le mec c'est un jeune, il vient des bas quartiers et il hurle quand on lui met de la fumée de cannabis. J'avoue. En fait, on appelle ça une taquine. Je suis allergique au tabac. Je suis. C'est pas du tabac. Bah, il y en a un peu dans ton bédo. Oui, bien sûr. Non, bien sûr. Pur. Moi, je suis pas, je me suis pas rapproché. Hein. Je suis légèrement à l'écart parce que je me dis quand même pour un petit jeune comme ça, ils ont pas besoin de tout le monde. Ouais, donc, bon, je reste de l'autre côté. Hein, je regarde juste un peu les gens dans la rue s'il y avait. Ouais, c'est ça. Pareil, histoire de faire le chou. Le gay. Moi, je m'approche en finissant mes fruits secs. Très bien, d'accord. Donc, il y a ceux qui restent un peu éloignés, il y a tous ceux qui se massent autour du jeune. Je lui fous une deuxième taf et puis je reste à côté. Et j'arrête de lui foutre des tafs. D'accord. Il réagit donc, comment la deuxième fois? Il lui entend le Ah secours. Non. Mais là il est concentré plus sur lui que bah il vient de parler. J'imagine. Donc William, oui. Oui, du coup, j'adore rien. Ouais, tu vois, petite Mégane. Ouais. Ouais, mais qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Qu'est-ce que vous me voulez? Bordel. T'es bien un ex. C'est ton ex. Non, c'est pas mon ex. Je la connais pas. C'est une, enfin, je veux dire, c'est une amie. Enfin, je veux dire, une connaissance. T'es pas Alex? Je la connais pas trop. T'es pas Alex? Est-ce que j'entends cette discussion? Oui, tu l'entends. Disons que c'est la nuit, que c'est dans un coin, il y a pas trop de voitures qui passent, et c'est un peu le silence dans la rue. Ok, je m'approche et je prends son portefeuille. Bien sûr que si c'est lui, bande de cons. Regardez, je change sa carte d'identité, s'il l'avait sur lui. Il a pas de portefeuille parce qu'il a juste mis son pantalon avant de sortir parce qu'il dormait. Peut-être un téléphone. Est-ce qu'il y a marqué Alex et Megan Kerr sur son torse? C'était quoi le nom à l'interphone? Le nom à l'interphone, c'était Gérard de la rue. C'était son nom de famille ou pas? Ok, juste sur Facebook et je tape Alex de la rue. Sur mon téléphone, j'entends. Attends, ça me... Bon, en tout cas, je fous une petite tarte en mode... Attends. Il y a un Alex de la rue. Alex, Alexis, Alexandre, Sandro. Où il y a un Alexandre de la rue. Ok, je regarde la photo. Ouais, disons que sur sa photo, ça a l'air d'être un truc complètement photoshopé avec 3 tonnes de muscles en plus, ce genre de truc, mais ouais, peut-être que c'est lui. Ça pourrait être lui. Ouais, ça pourrait être lui. Sauf en gros, on n'est pas les sentiments. Moi, je les regarde avec un sourire, genre, ça, mais une bande de gros nages. Pas un gros coup de pied, mais voilà, je lui fais un coup parce qu'il nous a menti, quoi. Du coup, c'est lui? Oui, c'est lui. Ok. Eh, lâchez-moi, bordel! Non. Bah, après, il a pas dit qu'il était pas Alex, hein. Il a juste dit qu'il était pas le. Et oui, Alex, mais le truc, c'est qu'il n'est pas Megan, ça me. Je sais pas. Bien sûr que si, il la connaît. De toute façon, non mais de toute façon, je vais offrir la perche pour pouvoir s'en sortir. Mais mec, je n'ai pas parlé là parce que moi, en fait, j'allais juste le choper, faire genre, tu sais, là en gros, je le plaquais, bah là en fait, je vais l'avancer et genre le tu sais, choper par les bras en arrière pour vous le tendre quoi. Genre, je suis mignon, je suis pas un mec, mais. Et voilà. D'accord. Oh et puis merde, je vous laisse faire. Pourquoi tu réagis comme ça? J'ai fait une action. D'accord. Donc William, tu tends le type vers, enfin tu tiens les autres, le type face aux autres, c'est-à-dire 22, Patrick. Et il fait, qu'est-ce que vous me voulez à la fin, bordel? Moi, je fais, je mets mon doigt sur sa bouche en appuyant de façon pour le rendre un peu ridicule. Genre, je lui fais brrr comme ça. Bon allez, chute. J'arrête dans au cas où. Il est venu pour te parler de Megan, parce qu'il semblerait que tu aies un peu de mal à la lâcher. Et bien il faut savoir que quand c'est fini, c'est fini. Hein. Nous, on vient juste pour t'avertir, mais qu'il faut peut-être la lâcher, laisser faire les choses. Mais la prochaine fois qu'on viendra, on fera un petit peu plus que t'avertir. Tu vois ce que je veux dire? Moi j'ai pas envie que ça se passe mal, tu sais. Je voudrais juste que tu choisisses la voie de la sagesse et que tu arrives à être un peu raisonnable, quoi. Tu vois qu'il reste silencieux, il te regarde avec un regard. Tu sais pas trop si c'est un regard juste. Enfin, si c'est son regard normal ou s'il est juste l'air un peu énervé par la situation. Mais il fait. Ouais. Mais lâchez-moi, s'il vous plaît. William, c'est ton choix, là, moi j'arrête. Je regarde un peu les autres du regard, voir s'ils soutiennent ou pas. Moi, j'ai lâché dans le cas. Bah, après, nous, moi, je suis loin, donc, enfin, loin, dans le sens, je suis pas, ouais, je suis pas coup, à distance. Je suis retourné là où j'étais. C'est. Après, c'est toi qui décides si tu de ton propre chef, si tu vois que c'est à toi de choisir hein, maintenant. D'accord. Non, mais je sais pas, je voulais juste genre, savoir le regard, mais comme vous êtes tous barrés, bon bah je lui donne non, un petit coup. Moi je suis à côté, mais je lui donne un coup dans la côte et je le balance, puis voilà, c'est bon. D'accord, je lui donne un coup, tu le balances, il est un peu plié au sol. Puis donc, j'imagine que vous vous écartez un peu. Moi je vais l'aider à se relever. D'accord, donc tu l'aides à se relever. Je lui tends la main avec un petit sourire chaleureux. Non, bon allez, on y va les gars. Papa, en mode papa, c'est genre, allez. Ça, tu vois qu'il regarde ta main et qu'il la prend même pas, puis il rentre à l'intérieur en courant un peu. On y va, putain, avant qu'il appelle ses potes, allez-y. Oui, bah, oui. En route. Je veux pas rester sur place à le regarder. D'accord, très bien. Donc vous commencez à repartir. Ouais. Donc vous repartez un peu pied, vous traversez la rue. Au bout d'un moment, vous entendez. De toute façon, je vais vous crever, hein. Puis je vais crever aussi, cette pute. Okay. On s'en va. D'accord. Donc pas attention, à ce stade, c'est complètement normal qu'il réagisse comme ça. En allant, je vais appeler le Patrick. Du coup, on n'a pas son numéro à Patrick. Ah, mais si, ça a passé. Non, on lui a donné le nôtre. Mais on a donné nos numéros, il a pas les nôtres. Est-ce qu'il nous a passé son numéro? Je sais pas, c'est la question que j'ai posée, mais on m'a pas répondu tout à l'heure, étant donné que quand il est parti, il a dit vous me contactez dès que vous avez fini. Donc, ça serait un peu con qu'il nous a rien donné. Oui, vous avez son numéro. Ah d'accord, ok, bah parfait. Je pensais que c'était au bas. Très bien. Donc vous vous éloignez, Patrick, toi tu appelles Patrick. Je précise que comme je suis pauvre et que comme je suis tellement pauvre que je peux pas me permettre de flinguer mon forfait, j'appelle depuis une cabine téléphonique. D'accord, donc t'appelles depuis une cabine téléphonique, tu fais le numéro, t'appelles, t'attends un petit moment et sa réponse a fait « Allô ?» Oui, patron. On est allé voir ce jeune homme, bon, il m'a l'air un peu nerveux. Hein. Ouais, j'imagine. Parfait. Il a l'air d'avoir vraiment bien compris la leçon ou quoi? Bon, il nous a craché quelques insultes une fois qu'on est parti, mais je pense pas qu'il soit très dangereux. Mais au cas où, il faudrait quand même faire un petit peu attention, parce que bon, on n'est jamais trop prudent. Oh, ok, d'accord, si parfait. S'agit de jeunes gens comme ça. Bon, bah merci pour le service. Hein. Pas de quoi. Bon, je vous donnerai une petite avance, ce genre de choses, la prochaine fois qu'on se croise, pour vous remercier. Vous attendez pas à quelque chose d'incroyable non plus, hein. Non, j'ai pas cette prétention. Très bien. Bon, à la prochaine. Et bon, ensemble, on va faire de grandes choses, vous inquiétez pas. Je raccroche. Du coup, nous, on a entendu tout ça. Enfin, ce qu'a dit Patrick, pas notre chef, mais ce qu'a dit Patrick, on l'a entendu. Le nôtre, notre pote. Oui. Du coup, parce que est-ce que j'ai la possibilité de quand même de moi lui envoyer un texto, genre en disant juste une mention supplémentaire, genre faites quand même gaffe, il a menacé de mort votre fille. D'accord, donc. Si tu lui envoies juste pour le mettre en garde en plus, parce que bon, même si ça c'est un vaurien, on sait jamais, ça peut aller très vite ce genre de merde quoi. D'accord, donc tu lui envoies le texto. Et donc vous vous redirigez vers la vers le métro, j'imagine, pour retourner à vos véhicules. J'avais pris les transports en commun pour rentrer, pour me déplacer. Oui, bien sûr. Donc je rentre chez moi. Alors. Donc vous déplacez. Et au bout d'un moment, Paul-Edouard, avant que vous commenciez à vraiment tous vous séparer, tu reçois de nouveau un texto. tu reçois de nouveau un texto qui, de manière simple, te dit « Retournez-y et attendez-moi. » Ok, bah du coup, je avant que les autres se barrent, je dis « Attendez les gars, je viens d'avoir un texto de Patrick. Mmh. » Ouais, qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux qu'on retourne là-bas et qu'on l'attende. Ok, pourquoi ? Ok, bon, d'accord. J'ai pas d'explication, il m'a juste demandé de vous dire qu'il fallait qu'on retourne là-bas et qu'on attende. Ouais, ok, ça va. Donc accessoirement, je leur dis quand même que après l'appel qu'a passé Patrick, j'ai envoyé un texto pour lui prévenir qu'il avait menacé de mort sa fille. Ah, faut pas faire ça, ça nous vend pas, c'est pas... Enfin ouais, non, c'est pas grave, mais... C'est pas précaution, je pense qu'il peut m'éviter de se dévendre comme ça. Ouais, mais bon, on sait jamais, tu sais. Ouais, mais bon, c'est lui avouer d'une certaine manière qu'on n'a pas réussi à faire le job qu'il nous avait demandé, quoi. Ouais, mais imagine, enfin, il la tue, qu'est-ce qu'on va passer pour quoi, nous, après? Oui, mais là, c'est lui qui va se faire défoncer, parce que là, le patron... Mais on s'en fout, moi, j'en ai rien à foutre de ce mec. Ouais, mais j'en ai rien à foutre de ce gars-là. Je préfère que... Ça aurait pu bien se passer. Ou peut-être pas. Ouais, ça aurait pu. Bon, j'y retourne. De toute façon, on y retourne, puisqu'il... Enfin, après, si vous voulez pas y aller, j'y vais. Je sens que c'est pas trop tard, de toute façon, pour... Je suis pas rassuré. D'accord, très bien. Moi, bon. Ça va, c'est pas ma fille. Hein. C'est bon, pas le que je peux. Et c'est pas mon neveu. C'est pas mon frère, non plus. Donc, on a foutu de donc, Alex. Vous y retournez, j'imagine que vous attendez pas non plus devant exactement... Non. Ouais, vous attendez dans les alentours, quoi. Un peu dans l'ombre. Très bien. Donc vous arrivez, vous attendez un peu dans l'ombre jusqu'à qu'il y ait une voiture qui arrive, qui se gare dans un coin, et vous reconnaissez votre patron qui en sort. Qui a l'air de regarder un peu aux alentours pour voir où vous êtes. Qui bah repère certains d'entre vous. On vient. Enfin, je viens. Ouais. D'accord, donc au moment où vous commencez à vous attrouper un peu autour de lui, il fait le job a pas l'air d'avoir été trop facile. J'ai mal entendu. Le job avait pas l'air d'être trop facile. C'est qu'un beau parleur, il fera rien. J'imagine, oui, de toute façon, c'est qu'une petite tapette, ce gosse. Mais bon... Mais, entre les vraies menaces... Enfin, disons que... Une menace en l'air, c'est rien, mais il faut qu'il apprenne le respect. Là-dessus, je suis d'accord. Bon... Vous savez à quelle c'est sa voiture ? Absolument pas, mais c'est pas sa voiture que je veux casser. Vous êtes sûr de vous ? Il a peut-être appelé la police depuis qu'on est venu, non ? C'est pas un problème. Non, je pense pas. C'est un vieux camé. Ok. Ah, écoute, même c'est pas un problème. Attends, c'est un vieux camé ? Oui, c'est un vieux camé. Oui. Ok. Je le connais ou pas, du coup ? Non. Non. Non, tu le connais pas, je le connais pas. Ok, il fait pas partie de mes contacts. Parfait. Ah mais Alex. Salut, comment ça va ta mère? Donc, Patrick, votre patron, commence à se mettre en marge vers le HLM, j'imagine que vous le suivez. Oui. Il se met en marge, il sonne lui aussi à l'interphone. A priori, il n'y a personne qui répond, mais vous entendez... Pardon ? Pardon, j'ai pas entendu la suite. Ça a coupé. Il sonne lui aussi à l'interphone comme vous l'avez fait, sauf que personne ne répond. Vous entendez juste une porte s'ouvre au-dessus. Puis Patrick qui recule. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Je bug ou quoi? Pour moi, ça coupe. Chez moi, ça bug un peu. Oui, chez moi aussi, un petit peu. Mais là, ça va, c'est ça, ça. D'accord. Donc, il y a une fenêtre qui s'ouvre au-dessus. Patrick qui recule à nous, qui recule un peu pour regarder en haut. Et au moment où les deux regards en l'air de se croiser, la fenêtre se referme. Il fait « Je vois ». Bon, j'imagine qu'il va falloir rentrer par nous-mêmes. Ouais. J'accroche ta... J'ai dit crochet sur moi. Mais défonce la porte, ça va plus vite. On n'a pas le temps. Ouais, mais attends, j'ai pas envie de casser les meubles. C'est quoi comme type de porte qu'on a en face de nous? Ça a l'air d'être le genre de porte, c'est un peu... Enfin, y a pas de serrure, quoi. C'est genre le truc qui s'ouvre avec... Aimanté. Avec le bouton. Avec un aimant... Ouais, donc on n'est pas obligé de faire ça. Moi, ils s'attendent à ce qu'on passe par la porte pour aller le rejoindre sur son palier. Ce qui pourrait être sympa dans ce cas, c'est de passer par la fenêtre. On se fait la courte échelle. Ouais, c'est non, pas mais bien grand, non. Sinon, est-ce que je peux appuyer sur un autre bouton et dire « Excusez-moi, j'ai oublié mes clés, vous pourriez m'ouvrir, s'il vous plaît ?» Ce serait peut-être un peu trop long, enfin, genre autant défoncer la porte. Enfin, ça serait pas bête, par contre, je sais pas si on est assez nombreux. Et pour faire l'idée de Jess, et en même temps, il y en a un ou deux qui fait le tour par si on peut le coincer. Moi je sais grimper. C'est pas bête du tout ce qu'a dit Jess. Ok, je lui fais la courte échelle. Moi je vais essayer de passer en scred aussi. Donc il y en a deux qui essayent d'escalader tandis que William et Paul restent devant, c'est ça? Bah on défonce la porte et on rentre. Oui, vous défoncez la porte. Est-ce que avant de défoncer, est-ce que je peux juste essayer d'appuyer chez quelqu'un d'autre et leur demander gentiment d'ouvrir la porte? Oui, tu peux faire ça. Prétextant que j'ai oublié, mais... Je crois que tu voulais le rappeler pas, lui, ça. En fait. Mais non, j'ai quelqu'un d'autre. Attends, tu fais ça chez tout le monde, pourquoi ça marcherait pas ici? Moi, je monte quand même en scred en haut. Bah, je pense techniquement, c'est plus rapide de faire ça que de casser une porte en fer avec un aimanté, quoi. Enfin, je sais pas si tu te rends compte comment c'est. Un système d'alarme à un gardien, ça va être casse-couille. Ouais, c'est pas faux, enfin, j'avais pas le compris qu'elle était envers. Par contre, je siffle mes chiens de rester dans mes chiens de... Oh, ça pourrait être bien de le menacer avec aussi. T'as tes chiens aussi? Bah, j'ai mes deux chiens, ouais. Tu les avais ramenés dans le bar, avec nous? Bah oui. Oui, oui, ils étaient. Je pense pas que le but soit de le menacer. Allez, on y va, je fais la courte échelle. Ok, je garde mes chiens. J'essaie de demander, est-ce qu'on m'ouvre? Pendant que 22 essaye de grimper, Paul, donc tu sonnes à une des étages et t'as au bout d'un moment, parce que ça répond pas immédiatement et c'est en pleine nuit. Il y a quelqu'un qui répond, ça a l'air d'être une voix féminine un peu fatiguée qui fait « Oui, allô ?» Qui est là ? Oui, bonsoir. Excusez-moi, je suis le jeune du deuxième. J'ai oublié, Alex, j'ai oublié mes clés chez moi. Est-ce que c'est possible de m'ouvrir, s'il vous plaît? Ouais, pas trop de problème, Alex. T'inquiète pas, mais... Ouais. Puis ça... Ouais. Merci, madame. Et ça fait le petit bout qui dit que tu peux pousser. Bon, bah je pousse et ça s'ouvre. Ouais. Très bien. Donc 0-22, t'es toujours en train d'essayer d'escalader quand tu vois la porte qui s'ouvre. Est-ce que tu abandonnes ou pas? Ah non, je continue. D'accord, très bien. Je vais te demander juste un petit jet en... Il a escaladé, il me semble, non? Non, ouais, il a grimpé. Vas-y, fais-moi un genre de grimper. Il a grimpé. J'ai fait au moins de m'aider. Voilà. 40 piles. D'accord, très bien. Donc, tu arrives à grimper, tandis que les autres passent par la porte, j'imagine? Du coup, moi, je l'aidais à grimper, d'accord. Donc moi, je vais rester en bas. Pour l'instant. D'accord, je pense même que je vais rester en bas tout court. Tu restes d'accord. Avec les chiens alors, en bas avec les chiens. C'est ça. Et c'est pas bête, au moins il pourrait essayer de le choper si jamais il arrive à fuir ou c'est ça. D'accord, très bien. 0-22, t'es toujours en train de grimper, donc ça prend un peu plus de temps. Ouais, j'imagine. Mais après, j'ai 50 ans en grimpage. Ah ouais, oui, t'inquiète, je prends ça en compte. Donc les gens, vous passez donc par l'intérieur, vous montez les escaliers pour arriver à l'étage où est censé être ce jeune. Vous arrivez devant la porte avec... et donc le Patrick qui vous sert de boss toque à la porte. Alex, je vois. Yes, Johnny. Je regarde pendant qu'il toque à la porte, je regarde quand même si aux escaliers du dessus, là, enfin je sais pas comment c'est agencé au niveau des escaliers, mais si c'est au truc où tu peux voir jusqu'en haut des escaliers, là je regarde si je vois pas quelqu'un qui est caché, qui serait caché dans les escaliers ou qui s'enfuit ou... Oui, d'accord. Okay. Donc tu surveilles un peu pour voir s'il est pas au-dessus ou s'il y a d'autres types qui viennent, quoi. Oui, voilà, c'est ça, ouais. D'accord, ok. Pendant ce temps, toi, 22, tu arrives à la fenêtre où tu es censé arriver, si ce n'est qu'elle est fermée. Je peux tenter de la crocheter ou c'est à la porte ouverte ? C'est un seul truc. Ouais, non, il n'y a pas de serrure. Ok, bah je peux... machin qui coulisse. Tu fais quoi ? Il y a un truc qui coulisse, ça peut s'ouvrir de l'autre côté ou faut que je la défonce ? A priori, ça va là pouvoir sourire à l'extérieur. Y'a quelqu'un à travers ? Tu vois qu'à l'intérieur, c'est tout noir. Oh, mais c'est pas drôle. Vas-y, je vais faire le cambrioleur. Là, je prends mon point américain et je pète le machin. D'accord, très bien. Je pète un carreau et après je me cache. D'accord. Tu pètes un carreau, tu te rebaisses un peu, enfin tu te laisses un peu pendre à la fenêtre. Ouais, c'est ça. Pour attendre. Pendant ce temps, au même moment, t'entends la porte qui se fait défoncer, j'imagine, par Patrick Boss. On va faire comme ça pour faire la différence entre les deux. De quoi ? Il défonce des portes au calme. Ah bah, vous l'avez vu juste... Pied, en fait, il a cliqué sur la poignée. Sinon, appelle-moi. C'est un mec 1m90 tout en muscle. C'est un beau bébé, quoi, Patrick. Ouais, donc il vient de défoncer la porte et il vous fait « Trouvez-le !»« Ouvre la fenêtre !»« Ouvre la fenêtre !» Pardon. Qui a parlé ? Moi. Dès que on rentre et on va fouiller. Moi je reste dehors, je surveille les escaliers. Quelqu'un peut ouvrir la fenêtre ? Oui, je vais aller ouvrir la fenêtre, moi. Merci. Du coup, j'ai pris ses chiens à la limite. Non, mes chaînes sont restées en bas, y'a que moi qui... Ah, okay. Ouais, je pense pas qu'ils t'obéissent. Mais tu sais, avec les quantités de bouffe que j'ai sur moi, ça peut s'y métier, hein. Ouais, mais pour ce coup, là, non. Donc, t'ouvres la fenêtre avec 0,22, donc... Enfin, 22, tu arrives donc à rentrer, toi aussi. Y'a tout le monde qui est à l'intérieur, à présent. Et vous fouillez pendant que Patrick Boss est en train d'inspecter les meubles et de faire comme chez lui. Moi, je suis dans la cage d'escalier. Je me demande à Patrick Boss si on doit casser. Ouais, bien sûr. Vous fouillez un peu les lieux, ce genre de... Et Patrick Descartes, tu trouves un moment, en ouvrant la salle de bain, qu'il est caché dans la douche avec le rideau fermé. Allez, viens, gamin. Bah alors, mon petit Alex, qu'est-ce qui t'arrive ? Prends le fouet. Tu veux du boudin ? Bon, allez, lève-toi. Tu vois qu'il te regarde avec un air un peu terrifié, tu vois. Mais tu remarques aussi qu'il a une main dans son dos. Moi je mets ma main au niveau de mon tonfa. Bon alors, qu'est-ce que tu caches, petit canaille ? S'il vous plaît, ne faites pas de mal. Bah, de toute façon, je pense que notre boss va te faire prendre bien cher. Mais si tu y vas toi-même, tu garderas un petit peu de dignité. C'est quand même bien comme contrepartie. Oh mais quelle sauvage. C'est non, pas non. Ça, le mec. Ouais. Le mec. Allez, viens. Mais monsieur, je vous promets, c'était juste des menaces comme ça. Enfin, je veux dire, c'était pour. C'est parce que. Oui. Montre ce que t'as dans ton dos. D'abord. Alors, je dans la main, je lui dis, allez, montre-moi ce que t'as dans ton dos. Tu vois qu'il bouge lentement en tremblant un peu et. Un espèce de canif. Là, je le prends. Allez, viens. D'accord. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, essayez de le convaincre de partir. Si si on fait trop mal, je lui dirais que bon, ça va, t'es qu'un jeune con et qu'il n'y a pas besoin de te taper trop fort. Je le pousse. Comme je te disais tout à l'heure, hein, moi j'aimerais bien que ça se finisse d'une façon un peu raisonnable. D'accord, très bien. Tu vois qu'il avance un peu, disons qu'à chaque pas il essaye un peu de reculer, il faut lui mettre la main dans le dos pour éviter qu'il reparte dans sa douche. Sa peignoir. Ça, donc tu l'amènes... Je l'amène dans le salon, je lui propose de s'asseoir. Tu lui proposes de s'asseoir, sauf que Patrick... Enfin, l'autre Patrick fait... À genoux. Donc le petit Alex se met à genoux en commençant à pleurer. Il fait alors Alex, en plus de stringler ma fille, il faut que tu la menaces. Donc il se tourne vers l'entre vous, il fait quelqu'un a un joujou? Ah bah, je peux lui prêter mon tonfa si personne n'a autre chose. J'ai un canif, voilà, je le tente, je passe quelqu'un. Je lui passe ma machette. Non, à la limite, je peux lui passer le canif que lui planquait. Non, je vais passer le tonfa, parce que ça fera moins mal qu'un canif quand même. À la limite, il y aura des bleus et des côtes cassées. Mais... Je lui passe le tonfa avant que l'autre lui passe la machette. Oh. Tu vois que il prend le tonfa, puis il voit la machette, il fait. Non, pas quand même. Je reprends la machette. Puis il se retourne vers Alex qui a pas vraiment vu. Il essaye de s'imaginer à quel point la vie sera bien une fois que ce moment sera passé. Et Patrick lève le bras, assène un premier coup, un deuxième, un troisième, un quatrième. Alex tombe sur le côté et il se roule en boule. Il continue avec un cinquième, un sixième. Il lance des petites insultes à un moment, espèce de fils de pute, salope! Genre, il se défoule, quoi. C'est le genre de type qui aime bien. Je pense qu'il a eu son compte. Hein. Qui aime bien se dépasser. Tu vois que tu dis ça, et il a pas l'air de s'arrêter pour l'instant. Il en est au 6ème, 7ème, 8ème. Au bout d'un moment, vous avez l'impression d'entendre un petit os qui craque. Alors, juste j'éteins mon bédo sur son cou. D'accord, ok, attends. Je sais, c'est une marque. D'accord, donc tu t'approches pour lui mettre le bédo sur le cou, sauf que tu recules avec le mouvement parce que t'as un tonfa qui t'a presque défoncé le crâne en passant. Ah, merde. Ouais, il est vraiment... Patrick, là, il est vraiment pas genre dans le... Je le frappe de manière... il est vraiment dans le défoulement, quoi. Il tape avec les deux mains... Il y a pas un jeu de psychologie pour voir si sa femme, elle est morte. Non, je ne pense pas. Non, pas parce qu'il construit aussi des terres avec sa fille. Il en est à la 12e, 13e, 14e, 15e, puis au bout d'un moment, il s'arrête, il laisse tomber le tonfa sur le côté. Ça fait du bien. Il respire un peu fort quand même, il fait. Puis il reprend Alex, il le soulève. Il regarde droit dans les yeux, du moins dans ce qui reste des yeux d'Alex, parce qu'ils sont entièrement recouverts de sang. Puis il regarde la fenêtre. Puis vous commencez à avoir un petit sourire qui se dessine sur les lèvres. Et puis il entraîne le type par la fenêtre et il le balance. Avec un petit hurlement, mais disons que le type s'est presque pas rendu compte qu'il venait de tomber avec le petit crack bien significatif qui vient de toucher le sol. C'est la fenêtre qui menait à la rue où je suis. C'est un oui, cadeau t'as le type Jess. Qui te tombe pas loin. Oh putain, je m'approche de lui pour voir comment il va. D'accord, donc tu t'approches, tu vois que... Tu veux pas lancer un dé pour savoir s'il est tombé sur un chien? Non. Alors tu t'approches du type qui est tombé sur le petit morceau de pelouse qu'il y avait un peu devant le HLM. Tu vois qu'il a des morceaux de verre mais pas trop. Ouais. Et il a l'air bien mal en point, mais il est pas mort en tout cas. Ça, tu le sais parce qu'il est en mode. Mais ouais, il a peut-être un bras cassé, voire une épaule ou un genou retourné, tu sais pas trop. Est-ce qu'en effet, on a une espèce de jet de santé mentale ou je sais pas, un truc comme ça? Enfin, juste pour voir comment est-ce qu'on réagit, est-ce qu'on arrive à rester insensible face à ce genre de situation? Empathie, monsieur, pourrait marcher, je pense. Dans ce cas, je veux bien faire un jet d'empathie. Très bien. Pour voir est-ce que j'arrive, parce que mine de rien, c'était quand même qu'un gosse. Non, ouais, vas-y. Donc je suis un peu. Alors, t'as empathie, c'est dans quoi? Du coup, c'est si on réussit ou si on rate notre jet que ça fait. C'est au milieu, ouais, en social, vers la fin. J'ai 25. MJ, je t'en ai un moment ou pas? Donc, a priori, je fais pas vraiment preuve d'empathie. Donc, oui, donc a priori, tu. Enfin, disons que ça te choque quand même autant de violence sur un gosse, quoi. Ok, bah j'ai hésité à appeler des urgences, mais finalement je fais rien. C'est ça. 22, tu disais quoi? On doit tous le faire, le G? Non, a priori, je sais pas. Si vous considérez que votre perso est un peu fragile dans ce genre, ou qu'il est pas vraiment habitué à ce genre de violence, vous pouvez le faire. Ok, je le fais pas. Mais moi j'ai rien vu, j'étais dans la cage d'escalier. J'ai entendu du bruit. Ouais, oui, toi t'as rien. Je t'envoie un MP. Très bien. Oh, William, empathie man, c'est genre. Je le soigne moi-même. Non. Ah bah, je suis pas trop Patrick. Empathie. Ouais, voilà, plutôt avec un 1, tu vas être empathique là, je pense. Oui, mais c'est troublant. Je serai encore plus troublé, tu vois. Avec un 1, tu vois. Il faut le sauver. Ouais. Appelez le SAMU. Après, je sais pas comment interpréter, je laisse ça. Est-ce qu'il respire quand même? Je vais vérifier. Oui, il respire après. Deux minutes, je réponds juste un petit truc et je repars en narration. Tu vas bien? Genre, William, tu vomis. Ah, mais limite, ça pourrait être une réaction qu'il pourrait avoir, hein, en vrai. Avec Patrick. Non, mais en vrai, enfin genre, c'est un truc humain qui serait pas genre. D'accord. Bon, pour ce qui est du côté de Patrick et. Enfin, Patrick Descartes et William, disons que ça vous a semblé quand même vachement soudain comme chose. Et un peu beaucoup de violence pour pas grand chose. Après, c'est vraiment toi, William, là, t'as vraiment le. T'as vraiment l'envie de vomir qui t'est remontée. Après, bon, j'imagine que tu t'es un peu retenu, mais. Je fais genre. Non, je suis professionnel. Ça va dans le replay de ton personnage. Ça, c'est quand même un peu violent. C'est quand même un critique. Ah bah, c'est la MJ qui a interprété comme ça. Je sais pas, non, juste, non, il s'en remettra, vous inquiétez pas. Et donc, Jess, tu disais quelque chose au type qui vient de tomber? Enfin, Alex? Ouais, j'essaie de lui demander comment est-ce qu'il va. Tu vois qu'il te répond pas, il a pas vraiment l'air d'être là et. Ok. Dans ce cas-là, je vais le tirer dans des buissons pas trop loin. D'accord, très bien. Donc tu le planques dans un buisson. Et voilà. Pour ce qui est au-dessus, Patrick, votre boss, se retourne vers vous en se frottant un peu les mains. Il fait. Bon. Merci de m'avoir assisté. Ouais. Bon, s'il est mort, je compte sur vous pour aller cacher le cadavre. Aucun problème. Bon, je m'en occupe. On se retrouve quand je vous appellerai. D'accord. D'accord, très bien. Donc, à partir de ce moment-là, Patrick, votre patron, quitte les lieux, reprend sa voiture, vous fait un petit coucou en partant. Coucou. Oui, non, mais vraiment, en passant avec la voiture devant vous et avec la tête baissée, vous fait un petit coucou. Puis repart. Ah, ok. Et Enfin, le gamin n'est pas mort, ça on le sait, a priori. Attends, Jess, t'étais vraiment dans l'idée de le cacher ou Oui, c'était à la fois pour pas que des passants tombent dessus et parce que je pense que. Et on peut le remettre dans sa baignoire. Patrick descende et le finisse, tu vois. Je pense qu'il a déjà bien... On peut le remettre dans sa baignoire, non? Non, moi, du coup, je l'ai caché, puis je les attends en bas, quoi. D'accord, donc vous redescendez. A priori, il n'y a pas de traces du gosse dans le coin. Je demande s'il est mort. Non, il est encore en vie. On le remet chez lui ou pas? Non, il est débrouillé tout seul. Allez-y. À la limite, c'est même mieux de le laisser dans la rue, parce que les gens vont le trouver, alors que chez lui, il va peut-être rester comme ça trop longtemps. C'est ça. Ouais, après, tu le cachais, quoi. Non, mais tu le laisses là, et puis il y a une voiture qui va passer au coin, et bon... Je l'ai planqué dans un buisson, c'est bon. Ok, parfait qu'on te surveille. C'est juste une mauvaise nuit à passer. D'accord, très bien. Ouais, il est pas allé de main morte avec lui. C'est quand même un gosse, quoi. Ouais, bah... Ouais, ça me fait peur. Un gosse, ça tient un coup. Au pire... C'est pas le problème. Imagine s'il a un problème contre nous après. Enfin, genre... Au pire, on sait à qui on a affaire maintenant. Ouais, ça va. Je préfère que... T'as un trafic depuis pas longtemps, William. Mais bon, ouais. Écoute, moi je rentre chez moi. Ouais, je les salue et je m'en vais. À la prochaine. Et je regarde William et je lui dis faites vos rêves. Je fais un fuck. Très bien. Donc après vos petites salutations bien sympathiques. Vous commencez à vous séparer et vous partez tous dans votre coin pour reprendre votre vie et attendre le prochain coup de fil de votre patron adoré. Juste question, combien on avait d'argent dans notre sac? Puis du coup c'est le nôtre. Combien on avait d'argent? Je préfère ne pas dire de conneries. Je pense que je vous mettrai au courant entre aujourd'hui et la prochaine session pour ce qui est de ça. D'accord. Et d'ailleurs, je vous annonce que vous vous séparez donc de votre côté, et c'est avec ça que nous arrêtons la première session de Gotham.